Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonsoir Toulouse. Ça reste un floodcast, et qui dit floodcast dit aussi il y a des invités et notre première invitée. Elle est autrice, réalisatrice et comédienne. Vous l'avez vue chez Golden Moustache ou plus récemment au théâtre dans Un chalet à Stade de Josiane Balasco. Elle est la plus grande fierté de Saint-Malo avec le Kouign-Amann, c'est Justine Le Potier. Comment ça va, Justine? Je le sais très bien, on était en coulisses ensemble. Ça va bien. Ça va? Tu es contente d'être là? Oui, je suis très contente, j'ai peur. Mais non. Oh, arrête. Ah, ils sont tu tournes avec Balasco. C'est... Oui, voilà. Mais tu n'es pas la seule invitée, Justine. Non. Oh que non. Il est musicien, auteur et rappeur. Il revient tout juste du The Event. Il vient nous voir pour se mettre définitivement dans la poche les geeks blancs cyniques de 30 ans qui ont un pouvoir d'achat fou. C'est Big Flo. Oh. Tu nous bannes ou pas? Il va nous banne de ouf. Ouais. Je tiens. J'ai l'impression d'être dans une conférence de presse de footballeur. Attention, tu prends l'avion. Ouais. Dans l'actu. Dans On l'actu. A dit qu'on ferait cette blague à chaque date. D'accord. Chaque date. Je tiens à m'excuser auprès des Toulousains pour ma présence. Je crois qu'ils en ont marre de voir ma gueule. Je suis là non. Dans tous les événements à Toulouse. Ils disent ouais bon c'est Big Flo, ils savaient quoi. Donc désolé à vous, mais j'ai sorti un album, j'ai besoin de buzz. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Mais oui non mais voilà. Pas de bon buzz. Je prends ce qu'il y a. Je prends surtout ce qu'il y a. Donc oui, c'est un floodcast, mais que sera un floodcast sans le jeu des news du floodcast? Et oui. Si vous connaissez le jeu des news du floodcast, vous savez qu'il y a quelques temps, Florent avait concocté un jingle qui était infâme, hein, Florent peut le dire. Non, ouais, j'aurais utilisé peut-être des adjectifs moins voilà. violents, mais bon, oui. En tout cas, je le haïssais. Oui, voilà. Et du coup, il a été convenu que j'allais moi-même faire un jingle du jeu des news du floodcast. Pour montrer que voilà, musicalement, il fallait quand même monter un peu le niveau. Donc, c'est un jingle que j'ai fait. Florent ne l'a pas entendu, il ne le connaît pas. Alors ça, oui, je le dis toujours. Je tiens à ce qu'on le dise à chaque fois, parce que je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Voilà. Et c'est hier, une façon de se désolidariser que je fais. Et hier comment? Et hier, il a entendu déjà. Ben non, parce que j'en ai fait un pour chaque date. Ouh. Ah. Eh oui. Ouais. Allez, quand vous allez entendre le truc, vous allez dire, oui, bon... Une bonne après-midi. Mais voilà, est-ce qu'on peut lancer le jingle, s'il vous plaît? Rap, le style musical. Il se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime. C'est le blues, c'est iconoclaste. C'est les news, les news du floodcast. Ça fait sourire, ça fait rire, ça fait réfléchir. Mais soyons sérieux, on va pas se mentir. La plupart du temps, c'est quand même des gens qui se mettent des trucs dans le cul, quoi. Généralement, c'est directement dans le coup de balle, sans vraiment avoir évalué les tenants et les aboutissants d'un tel acte. Et souvent, c'est. Ça vire au drame, quoi. Alors, c'est amusant pour nous, de notre point de vue, mais du point de vue de la personne qui a. L'objet, parfois assez imposant, dans le rectum, c'est sans doute moins amusant, quoi. Oh yeah! Pour commencer, très joli jingle, Adrien, et je te remercie. Ça t'a plu? Ça m'a plu, c'était déjà hip-hop. Déjà le fait d'avoir entendu les paroles par rapport à hier, est-ce que ça t'a plu? Oui, hier on a mis un son, vraiment c'était inaudible, donc tout le long je faisais... Non, c'est parce que les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient, que, non mais bien sûr. Et donc du coup, j'ai rien entendu, j'ai fait semblant. Tout il le a monde fait l'a semblant vu. De faire, dans... c'est marrant, mais en fait, il n'entendait rien. Bah, le même d'ailleurs, encore une fois. Oui, un ah, même que même. Je fan de même. Pour commencer l'émission, une question, alors sûrement un peu facile, c'est pour se mettre dans le bain, mais en même temps, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, on est parti en vacances cet été. À Yamaguchi, la ville a fait face à un fléau À votre avis, lequel ? Des animaux. Des animaux. Ouais, mais waouh, t'es allé vite. Ouais. Des animaux qui... On le dit souvent. Des animaux qui... Une... Le cul, parle de cul. Ah, là, par rapport à la baise, d'accord. La baise, la bonne baise. Des animaux qui ont une particularité physique. Alors, ils peuvent en avoir, mais ça ne va pas t'aider à trouver beaucoup la réponse. La ville, on en a quelque chose à foutre ou c'est juste... T'énerve pas, mec. Non, non, je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Non, non, j'ai compris que tu voulais dire non, non, mais ce soir, je suis un peu hardcore. Non, non, non, mais pas du tout. J'ai ce nouveau perso. J'ai ce nouveau perso, un peu, ouais, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Comme Booba ? Non. Rapport à l'album. Oui, à mon album qui est disponible par toi à 15,99€. Ah oui, on en parle déjà là ? Oh, ah, je suis aux anges. Les gens peuvent. Parce qu'en début de Floodcast, c'est là où j'ai la rétention, le max de gens qui sont présents. Ah non, mais l'album est top. En plus, tu m'avais dit que celui-là, t'avais un peu aimé. Alors qu'en plus, moi, j'aimais pas les autres. Donc celui-là, non, tu c'est... détestes ma carrière. Mais plus ou moins. T'as dit celui-là, j'ai survolé, tu m'as dit. Non, il y avait. Et il y a deux, trois titres potables, tu m'as dit. C'est déjà bien. Tu n'attends pas plus. Bon, voilà. Merci, pardon. Pardon. Donc, des animaux qui ont envahi en grande quantité la ville. Oui. Des insectes ? Non, pas des insectes. Des animaux ? Des singes. Très bonne réponse. Encore ? Mais oui, mais oui. On adore ! Mais c'est du fan service. Ben alors, un petit peu, mais on n'a pas pu en parler. C'est vraiment arrivé cet été et on n'en a pas du tout. On a parlé de ton album, donc tu vas descendre dans ton... 42 personnes, c'est un chiffre quand même pas mal, ont été blessées par des macaques errants dans la ville de Yamaguchi. Des macaques errants. François Macaque errant, le président de la République. Oh oui ! Il n'y a même pas une syllabe. Ah ! Oh les singes ! Donc, les macaques sont répandus dans l'archipel et où ils sont parfois perçus comme une nuisance en venant fouiner dans les maisons ou en pillant les récoltes. Mais il est rare que ces petits singes s'en prennent directement aux humains. À Yamaguchi, non, ils s'en prennent très souvent aux humains. Ah bon ? Les macaques sont durs avec nous. Oui, mais peut-être, c'est peut-être rare dans ce coin-là. Et on n'en parle pas assez dans les médias. Bah, écoutez, j'ai moi-même été agressé par un macaque. Ah oui ? Je m'en souviens. Non, mais c'est peut-être rare dans cette ville. Oui, non, mais c'est ce que en disent. Inde, c'est monnaie courante, on l'a vu, mais peut-être que là-bas, c'est une nouveauté. C'est ce que disent les autorités locales, en fait. Elles mènent des patrouilles depuis les premières attaques. Mais c'est juste où ça se passe où ça me rend fou de rage. À Yamaguchi, au Japon. Ah, c'est aussi au Japon. Mais oui, au Japon. Est-ce que c'est les macaques dans les bains chauds, là, qui. Comme dans les dessins animés ? Non, mais moi, j'aime bien les macaques dans les bains chauds. Ah oui, t'as jamais vu ces trucs ? Non, les poils mouillés. Ils sont dans des sources chaudes, des neiges. Ah ouais. Ils sont bien, quoi. Ils sont là, bon. Peut-être c'est parce qu'ils neigent plus, et là, ils sont pas bien. Ils sont un peu agacés. Oui, oui, là, les autorités ignorent d'ailleurs pourquoi ces macaques sont agressifs, s'il s'agit d'un groupe isolé ou d'un comportement qui s'est généralisé. Toujours est-il que les pièges ne fonctionnent pas car les singes n'attaquent pas pour trouver de la nourriture, mais pour une raison inconnue, ce qui me glace le sang. Ah, c'est horrible, donc ils agressent des gens, mais on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Quand tu vois ce qu'on fait la nature, tu m'étonnes qu'ils nous agressent. Mbappé, là. Ce niveau d'engagement qu'il a, ce mec. Merci. Putain, une gifle en pleine gueule. Océane Elimer, est-ce que vous savez qui c'est ? Peut-être Elimer, j'en sais rien. C'est une amie. Ben voilà. A voulu rendre hommage, c'est une influenceuse. C'est une influenceuse et elle a voulu rendre hommage à la reine d'Angleterre qui est décédée. Ah, j'ai vu. Tu l'as vu passer ? À votre avis, elle a été moquée sur les réseaux sociaux. À votre avis, qu'a-t-elle fait ? Tu te le mets un peu de côté pour si nos deux invités. Elle s'est déguisée. Non, elle ne sait pas, ce qui serait fou. Si, j'ai vu. J'ai vu. Oh, RIP ! J'ai une couronne. Ah voilà, tu l'as vu aussi. Elle a fait un cosplay. Elle a fait un cosplay. Non, elle a pas fait un cosplay. Elle ne s'est pas déguisée, bon sang. Elle a mis des vêtements d'une autre personne pour l'incarner, peut-être. Je sais pas. Qu'elle aurait pu trouver dans une farce à trappe, peut-être. Bah alors les garçons, dites-nous alors. Vas-y, t'es l'invité. Mais attends, là j'ai fait le beau et je. Si ah non, pas... En fait, elle s'est trompée. Elle a rendu hommage à Brigitte Macron. Exactement. Elle a pas du tout mis la bonne photo. Et là normalement, je dois lancer un visuel nous. Qui ne marche pas. Ouais, voilà. Ah voilà, je me disais bien qu'elle allait avoir un bug. Bah évidemment. Je viens pas au flou de casse s'il y a pas au moins un bug. Ça aurait été bizarre. Ça a été pourtant répété d'une main de fer, mais bon, ceci tant pis. Ceci dit, il y a une vidéo qui tourne. Où des gens pensent. T'es en train de dégueuler. Pardon, t'es en train de dégueuler dans le micro. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Pour vous dire, on peut donner les coulisses un petit peu. On a mangé extrêmement vite. Voilà, on a et mangé. Juste avant de venir aussi. Il y a 17 secondes, plus ou moins. Je ne vais pas dégueuler. Ah, okay. Je voulais dire que les gens pensaient que c'était Beyoncé qui était morte. Ah, parce que la queen. Exactement. Certaines... Ah. Il y a des vidéos de réactions où la reine est morte. Beyoncé est morte. Mais non, non, mais, non c'est la... mais là, en l'occurrence, l'influenceuse, alors avec un visuel, ça aurait été un petit peu plus fort, mais elle avait une photo. Tu veux que j'appelle un technicien, un truc tu veux... On peut le régler, on va le régler. Tu connais tout Toulouse, toi, j'ai l'impression. Non, mais moi, j'appelle qui tu veux, là, on le règle. La reine d'Angleterre, ça m'a rendu triste parce que c'était une amie en plus. C'était une amie et ça m'a. Tu l'as rencontrée ou pas ? Bien sûr, c'est une amie. tu rigoles. Atteint de somnambulisme, un agriculteur ghanéen s'est retrouvé aux urgences. À votre avis, qu'a-t-il fait ? Il a été voir des abeilles. Non, pas attends, du tout. Un agriculteur ou un apiculteur ? Non, non, il s'agit d'un agriculteur. D'accord. Qui n'a pas d'abeilles, donc. Non, non, non. Les abeilles sont en dehors de cette anecdote, je voilà. sais. Non, mais t'avais compris, apiculteur. Elles ne sont pas déguisées spécialement non plus, d'ailleurs. Voilà. Mais... Hey, on parlait de Queen Bee tout à l'heure, les abeilles. Ah, non, mais... Oh, il est en forme, il est en forme. Mais... On a du grand, on a du grand. Il y a des bilingues dans la salle, j'ai l'impression. Le fait qu'il est agriculteur a une importance ? Aucune. Ça n'a rien à voir avec l'accident. Bah, attends, bon. Non, mais au moins. Bah, excusez-moi, je vous réponds. Bon, alors, c'est quoi la question ? Alors, il est atteint. C'est quoi la réponse ? Bah, attends, faudra que ça dure un peu le truc. Atteint de somnambulisme, un agriculteur ghanéen s'est retrouvé aux urgences. Quelle activité a-t-il pu faire pendant son somnambulisme ? Est-ce qu'il a employé une arme ? Il a une sorte d'arme, oui. Il s'est mis un truc dans le cul encore, je sais pas. Non. Un petit peu. Avec un tel dédain, tu verras la non, réponse. Mais c'est mon nouveau perso. C'est mon nouveau perso. un couteau. Un couteau, exactement. Il a tué des monstres. Mais t'es un monstre à ce jeu. Ouais. Ah, il appuie, attends. C'est peut-être bombes. Triste, en vrai. Mais bon, là, pour ce soir, c'est intéressant. Il n'a tué personne, je sais. Mais il s'est blessé avec son propre couteau. Exactement. Il a essayé de se raser. Non. Il s'est ouvert les veines. Alors, il s'est mutilé, il ne s'est pas ouvert les veines, sinon... Il s'est coupé le sexe. Le zizi. Alors, vous n'êtes pas loin. C'est des voilà, les couilles oui, voilà, c'est les oui. couilles. C'est les couilles. Et voilà. Les couilles du gars. Les couilles du mais, gars. Mais les gens sont là pour ça, hein. Les ouais. couilles du gars. Couilles du gars. Les couilles du gars. Les couilles du gars. Les couilles du gars. Couilles, couilles, couilles, couilles. Ça fait 15 minutes que ça a commencé. Et je compte les 8 minutes d'ondelate. Donc c'est vraiment... On a applaudi les couilles d'un gars. Mais qui ne sont plus... Ah ben, on connaît même pas. Hein. Qui sont dramatiques puisqu'elles sont au sol, hein, les couilles du gars. Elles sont peut-être éclatées au sol. Oui, je me doute. Les couilles du gars sont éclatées au sol. Je pense au moment où Oli va écouter ce podcast. Comme s'il allait l'écouter. Il va arriver au moment couilles. Il va me regarder, j'ai écouté, ouais. J'ai... Tu crois vraiment qu'il va écouter? Oui, parce qu'il est un peu contre le fric sur nos apparitions, notre carrière et tout. Et ouais. Il écoutera tout en entier. Et il me dira, oui, j'ai écouté les couilles, j'ai écouté. Va falloir refaire 3-4 vidéos avec Squeezie, là, je pense. Assez rapidement. Assez rapidement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme de 47 ans. Qui s'est en effet automutilé dans son sommeil, comme l'explique la BBC. Il rêvait dans le sens, c'est pas son rêve, son objectif, mais il rêvait de couper de la viande lors d'un repas familial et s'est réveillé en découvrant qu'il s'était tranché non. les testicules. Sûr que non. Adrien, t'es pas d'accord avec moi ? Sûr que non. Genre, il a fait... Oh Genre, non, il a dit qu'il était somnambule, il assume pas oui. de s'être fait ça. Ça le réveille pas, genre ? Bah si, bah, je pense que la douleur... Oui, mais il les a coupés les couilles, là. On parle sérieux, là. Il les avait coupés entièrement ou il s'est coupoté les couilles ? Non, il s'est coupé les couilles. Normalement, la première incision, tu fais « Ah, waouh !» Tu te réveilles. Arrête, au bout d'un moment, tu te coupes pas les couilles en entier, tu te réveilles, tu pisses le sang. C'est faux. Désolé, c'est faux, encore une fois. Désolé, Adrien. Non, c'est mon nouveau perso. Attention, parce que ça ressemble beaucoup au mien, quand même. Non, c'est vrai. Mais j'ai fait une étude là, avec les équipes d'Universal Music. On était 75, ils m'ont dit ça, les gens aiment bien et tout, ça va bien matcher. Ça va bien matcher. Non, mais ceci dit, ça dépend comment ils rêvaient de couper de la viande. Il y a des gens qui coupent tiens, comme ça. Donc, peut-être qu'il a voulu faire ça sur ses couilles et dès le premier coup, bon bah mec, voilà. Tu peux pas dormir moi, en ayant les couilles sectionnées, t'imagines ? Moi je trouve qu'il y a un degré de précision pour se sectionner les couilles. Et pas la bite, c'est, j'y pensais. Il y a un côté genre tu dois soulever, faire ouais. clac. Qui fait que, j'avoue, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il a rêvé peut-être d'une pièce de viande qui a exactement la forme de ses couilles. Mais quand tu et qu'il lis, a dit, bon, bah ça, c'est de la peau, ça se coupe pas. Ah, c'était mes couilles, en fait. J'avoue, je rejoins un peu Big Flo. L'anecdote, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est vraiment Cyril Lignac aussi qui s'est coupé les couilles. C'est vrai. Donc c'est très bien fait. Il tu vois, a coupé, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, alors, il a quand même... Cyril Le Nuc. Oh. Quoi ? Il y a même pas. Oui, mais Lignac. Oui, mais Lignac, le nuque. Le nuque, c'est la bite, en fait, je crois. Bon, oh, ça écoute, passe, ça va. T'as ça eu va. Des applauses. Ouais, non, mais. C'est génial, genre. Non, vous avez applaudi, mais j'ai pas fait la vanne parfaitement. Ah, oh, mais ça va. Je me J'étais assis dans mon fauteuil, nous raconte-t-il, quand je me suis endormi. Je croyais que c'était toi. Ouais, bon. Attends, il raconte cool, ça, mec. Les couilles sectionnées à l'hôpital. Il est comme ça dans la lit d'hôpital, plus de couilles, il est là. Bah écoute, moi j'étais assis. Non mais non. Moi j'avoue que, comme disait Justine, ça sent l'invention parce que genre peut-être qu'il a essayé. Il assume pas d'être. Moi je pense que c'est ça. Il a mis du beurre de cacahuète sur ses couilles pour se les faire lécher par un animal qui lui a bouffé. Il a fait. Alors vous allez pas me croire. Je rêvais que je coupais de la viande. C'est un truc comme ça, à mon avis. Et je dis, je l'ai jamais fait, ouais, moi. Ce que j'allais dire. Je sais qu'il y a des gens qui font. L'excuse est éloignée et précise du truc de base. Ah, tout le monde connaît le truc du beurre de cacahuète. Ah merci. Oui, complètement. Ouais. Et ouais, c'est bon, embarquez-le, on l'a trouvé. Il y a d'antizoophile, c'était une passion. Non, l'homme devra subir une intervention, il faut le dire, pour être totalement guéri. Alors, les couilles ne sont pas entièrement sectionnées. Tu vois, ah, je me reprends un petit peu. Ouais, ouais, attention. Voilà, ouais. Tout n'est pas fini pour lui. Non, non, après, non. Après, on peut vivre sans couilles. Il n'y a pas que les couilles dans la vie. Ah, bah, c'est une chanson de Big Flo, ça, d'ailleurs. Il y a aussi le Coca-Cola. Ok, je viens de Toulouse. Il n'y a pas que les couilles dans la vie. Il y a aussi notre papa. Et ça finit par mon père. Et numéro un. Une phrase de mon père qui fait « Et c'est vrai, il n'y a pas que les couilles dans la vie !» C'est comme ça. Même non, si vous venez des miennes. Et tu vois. C'est oui pour moi. Numéro un sur Énergie, évidemment, faites-le. Cette chanson. Faites-la. Ah, par contre, ça, si on le fait, ça sera un immense succès. Mais ça, c'est notre sujet. Non, mais c'est un autre sujet. Bah, Oli sera partant, a priori. Ouais. De ouf. Il y a des somnambules autour de la table. Il y a des gens qui font... Oui. Des somnambules. Ouais. Oh. Si. Mais en fait, je l'ai su parce que je venais de déménager, donc j'avais repeint mes murs, et vraiment, j'en ai chié à repeindre mes murs. Donc je m'étais dit, je ne mets pas de nouveaux cadres pour ne pas faire des trous. Ah oui, tu voulais que tes murs soient nickel. Voilà, je ne voulais pas y toucher, et un jour, je suis rentrée dans mon appartement, j'ai vu des trous, comme si quelqu'un avait mis des tableaux sur le mur. T'as planté des trous pendant... Et en fait, j'ai été voir la caisse à outils en me disant « Mais c'est pas moi qui ai pu faire ça. » Et j'avais exactement les clous avec la même forme. Donc je me suis levée dans la nuit, je pense. J'ai fait des trous dans le mur pour me dire « Ça va être beaucoup plus beau ton appart avec des trucs. » C'est une action de fou. Je pense que j'ai fait... Mais surtout, j'y croyais pas. Je me suis dit « C'est improbable. » Je sais pas pourquoi, mais c'est pire que se couper les couilles. Je sais pas l'expliquer, mais c'est plus flippant que de se couper ses propres couilles. Mais ça se trouve, c'est pas. Alors, c'est ta seule crise. J'en ai parlé autour de moi en me disant soit il y a un fantôme, soit je suis somnambule. Et un pote m'a dit mets de la farine. Oh non, t'as pas fait ça. J'ai mis de la farine. Ah, pour voir si c'était toi. Pour voir si c'est moi qui marchais dedans. Il a failli pour voir s'il y a un fantôme qui marche. Non, pour voir si c'est moi qui l'ai. Il a littéralement failli gifler. Voilà, je le dis. Non, tout va bien, c'est bon. Il était au bord de la crise de nerfs. Pourquoi pas une caméra, tout simplement. Non. Moins salissant. tout bonnement, une petite mais, caméra mais pas chère. Mais du miel, pas avec de la... Non, bah... Mais de la farine et des brandy. Non, non, une caméra. Attache-toi à une lampe halogène. Avec un détecteur de mouvement. Bon, après, je sais que c'est loin pardon pour toi, mais la farine, ça coûte beaucoup moins cher qu'une caméra. Ah, d'accord. Il y a une notion peut-être de... C'est beaucoup plus cher. D'accord. J'ai fait de chute, non, mais tu as eu des crises depuis. Ben, je sais pas. Non, mais attends, j'ai arrêté la farine. Et quand t'étais jeune, t'avais des crises? Ma sœur avait, ouais. Enfin, je pense que c'est de famille. J'avais même j'ai pas fait des trucs chelous. Mais pardon, parce que je t'ai coupé, mais du coup, tu as vu tes traces de pas dans la farine? Non, jamais. Bah, c'était un fantôme. Voilà, on a la preuve! Non. Putain. C'était juste des trous que t'avais pas vu avant, je pense. Non, parce que c'est moi qui ai peint ces putains de murs. Mais t'as fait les trous. T'as fait les trous et t'as oublié. Mais bien sûr. T'es peut-être juste alcoolique au lieu de somnambule. Eh ben on a trouvé la solution ce soir, ça fait plaisir, c'est cool, on l'a. Sinon, les mugs ils sont dispo au merch? Comment? Les mugs ils sont pas dispo du tout au merch? Pas du tout. Voilà, en fait, attention parce que là, ça peut cartonner. Pardon, ça fait partie d'un business plan, on crée de l'attente, genre oh dis donc, est-ce qu'ils sont dispo? Et on les rend dispo évidemment. Non, bonsoir. On est ensemble. Est-ce que sinon, pas de somnambule, mais vous avez des petits tocs, des petits trucs un petit peu chelous, Flo, toi, t'as un truc un peu... Oui, alors tu m'as demandé avant l'émission de préparer ces trucs-là, donc évidemment que je l'ai. Je ne l'avais pas dit. Là, il est foudrage intérieurement. Alors, je ne l'avais pas dit. Aucun non, problème. C'est juste, t'as dit. Non, mais t'as pas... Sache que j'ai été très calme depuis le début de l'émission. Non, t'as dit le père. Il y a eu la vanne sur le père. Vanne sur le père. Vanne sur ça. Moi, j'ai un toc dégueulasse. C'est que je fais un truc comme ça, là. Genre, je le dis pour ceux qui écouteront. J'humidifie mes doigts, genre comme ça, et je sens après, genre je fais un truc comme ça. En dormant ? Non, non, non, au quotidien. Ah ! C'est affreusement dégueu. Mais attends, c'était pas ça un toc de... Ça sent une odeur que c'était bien. Truc de sommeil. Que je vous le montre une fois, c'est assez déjà honteux. Ma partie préférée, c'est celle-là. Mais attends, il y a beaucoup d'argent là autour de toi. Voilà, non, mais... Ah mais c'est ça en fait. Vous avez même pas idée. Mais bon, ça, ça c'est... Mais il est bien ce perso hein, de 2022-2023. Moi je l'aime bien. Hein. Ça date d'un peu plus longtemps quand même. Ça fait quelques années quand même. Oui mais public c'est nouveau. Donc cette partie-là, je retrousse mes lèvres avec la partie comme si... Mais c'est un truc de petit bébé canom un peu. Comme ça. C'est les bébés qui font ça. Et je fais ça après. Mais je comprends. C'est pas bizarre de fou. Non. Tu comprends quoi? Si, moi, une... t'auto-doudoute? Je sais pas. C'est un truc de malade mental, non, attention. Moi, une époque, hein. Non, c'est un truc de petit bébé. T'as manqué d'affection dans ton enfance. Ah oui, ah oui, totalement. Tu te sens un peu vulnérable et tu veux replonger dans ton enfance. Je pense enfance, que ça se voit, tout le monde est au courant. Hein. Tout le monde est au courant. Non, moi je faisais un truc avec mon nom, quand je le fais plus, je grattais le truc qui retient les dents à la lèvre. Tu sais ce truc-là, et je le la gencive, tu veux dire? Non. Non, mais tu sais, il y a un le fil. Frein, le je sais frein. Pas comment ça s'appelle. Le c'est frein. Le frein. Oui, le frein. Ah, c'est aussi le frein, ça. C'est un frein aussi, ouais. Bah, j'en ai rompu deux, ça veut dire. Non. Oh. Eh oui, c'est fort. Eh oui, c'est fort. Eh oui, ça le mérite. Et oui, je le frottais et en fait ça me détendait, ça me faisait mal mais ça me faisait un peu du bien. Après j'écoutais Linkin Park. Du masochisme. Donc j'étais un peu là-dedans, tu vois. T'as rien toi, tu vas me dire. Moi je fais du bruxisme, c'est pas très marrant. Alors, je contracte les mâchoires. ça va, t'es qu'un homme qui sèche le poignet là. Il rigole de ça l'autre. Moi je me mets les lèvres comme ça et je me frotte le nez. Ta richesse n'excuse pas tout en fait. Non mais oui je contracte les mâchoires. Dans la journée, mais surtout quand je dors, parce que je peux pas me. La quand haine. Je dors, la ouais, haine. Mais quand tu te réveilles, tu le sens. Oui, j'ai mal aux dents souvent. Ah putain. Méchant ouais. De Marvel. Des fois mal. Pardon. Finir mon anecdote. Non, dans ça le prochain m'a fait rire. Pardon. Tu disais quoi? Pas de problème. Je parlais de ma souffrance, mais tout va bien. Non, je disais que t'as des douleurs au cervical. Bon, allez. Ah, j'ai pas entendu. Non, c'est pas très intéressant. Il me manque pas des gens qui ont ça, attention, je vais venir le bad buzz. Tu crois vraiment que je vais le répéter une troisième fois, Florent? Tu me connais. Un couple d'Américains s'est marié, et le thème de leur mariage était tout à fait insolite. À votre avis, quel était le thème? Game of Thrones. Non. Harry Potter. Harry pas Potter. Top Gun, pas Harry Potter. Attends, est-ce que c'est un truc de pop culture? Pas du tout. Très bonne question d'Adrien. Genre, on déblaye. Ah non, mais tu... Non, mais moi, je... Non, mais t'as nettoyé la table. Je suis pressé, en fait, j'ai un truc après, donc je vais faire des heures. Un animal? Non. Un truc sexuel? Pas sexuel. Oh non, Adrien. Pas le genre de. Pas dans ici, non. Le genre. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Tout le monde doit se couper un moment. Non, rien. Ah. Si, je sais. Je sais, j'en suis sûr 100%. Alors, roulant de tambour. Le satanisme. L'inverse? Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas d'enfant. Un truc d'époque? Genre, on est tous déguisés en Louis XIV? Non, c'est pas ça. En Louis XIV. Non. Il faut que tout le monde soit. Mais j'ai un peu envie que tout le monde soit. Attends, Louis XIV. C'est Louis XVI, ça, t'as fait n'importe quoi. C'est Louis XIV le thème. Le thème est what the fuck, je suppose, par rapport à la DA de l'émission. Est-ce que ça implique, et ça va te plaire, de se déguiser? Non. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Je peux me déguiser. Non, t'as parlé de cosplay mais tout à l'heure. Oui, je sais pas ce que j'ai. T'adores ça? Mais j'adore ça. Non, c'est pas se déguiser. Je n'aime pas ta question. Ils étaient tout nus. Non, ils n'étaient pas tout nus. C'est une sorte de déguisement. C'est vrai. Non, ils étaient manga, tenue manga. Pas manga, pas pop culture. Pas pop culture. Quelque chose qui est très présent dans notre quotidien, dans notre vie. Covid. Non, moi ça aurait été magnifique. Mariage Covid. Non, pas mariage Covid. La tristesse. Réponse... Ah, attends, je sais. Ils se sont tous mariés en live. Enfin, tu vois, ils étaient tous en stream. Oh, non, c'est pas ça. Mais c'est juste... c'est Insta. Non, enfin, mais tu te rapproches, c'est une réseaux société. Réseaux sociaux, quoi. Influenceur. Non, mais tu te rapproches, c'est une société. Quoi, c'est une société? C'est le thème du mariage est une entreprise. Facebook. Pas Facebook. C'est que Ikea. Non. Qui a une incidence sur notre vie quotidienne? Non. Qui a une incidence sur notre vie quotidienne? Une incidence. Oui, d'une certaine manière. Oui. Un mariage Fnac. Ils sont fous de la Fnac, quoi. C'est aux États-Unis, on est d'accord. C'est une entreprise qu'on connaît en France. Ah oui, bien sûr. C'est une multinationale, multinationale, on peut dire. Coca-Cola, tout simplement. Non, pas Apple. Coca-Cola. Combien? Apple. Pas Apple. Spotify. Non, pas Spotify. Attends, parce que quand j'ai dit Apple, t'as cru que j'avais dit la bonne réponse. Donc non. Apple, c'est le site de rencontre. Pas le site de rencontre. C'est une big corporation. C'est énorme, genre une corporation. Bah, Google. Tesla. Non, mais on est Amazon. Amazon. Oh. Yes. Amazon. Bravo. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Ah bah je vais t'expliquer. Très bien. Je voulais quelque chose qui mette en valeur notre parcours et l'origine de notre couple, explique à CNBC le jeune marié qui a eu cette idée de mariage sur le thème Amazon. Des tables, alors ça fout le cafard, hein, je vous préviens. Oh bah déjà, on l'avait déjà, hein. Non, je mais... Les couilles coupées, c'est délicieux à côté. Régale. Des tables designées par un code à 10 chiffres, comme celui des produits Amazon, des goodies en forme de caddie miniature et un stand photo avec une banderole Prime Day Wedding, en référence au band flash de la plateforme de e-commerce. Voilà l'ambiance du mariage qu'on a tous envie de rejoindre. Ah, même Big Flo qui a très mauvais goût et désespéré. Il s'agit de deux Américains qui travaillent dans le secteur du commerce en ligne. Les nouveaux mariés se sont rencontrés pour la première fois lors d'une conférence sur le e-commerce à Atlanta en 2016. Si, la private joke, si, la private joke. Cette amitié a pris un tout autre tournant en juin 2018 durant la conférence Boost d'Amazon. Cette nuit-là, ils se sont embrassés pour la première fois. En 2020. Non. Si le mot e-commerce est central dans ton couple, séparez-vous. Non, mais c'est une... pour eux, c'est e-commerce. Une private joke. C'est... Non. Qui on est pour juger ? Ça se trouve, c'est une petite private joke entre « Hey, t'es mon petit Amazon, machin. Hey, je vais te livrer un gros colis. » On est là pour juger. Waouh. Oh, Jeff, baise-moi. Et voilà pourquoi je suis là. Voilà. On est entre nous. C'est pas compliqué. Si le thème de leur mariage peut surprendre, le couple savait en revanche qu'il serait bien compris par les invités. Et alors là, mais moi je me mets dans un plaid de tristesse. Au moment du toast, Eddie a demandé à l'assemblée, si vous nous avez rencontrés grâce au commerce en ligne, directement ou indirectement, levez-vous. Tous les invités se sont instantanément mis debout. Mytho. Attends, quoi? Bon, allez, c'est encore faux. Quoi? Tous les gens présents se sont rencontrés grâce au e-commerce. Non, on rencontrait les mariés grâce au e-commerce. Ah oui, là, peut-être très, même très la mère, visiblement, ce qui est très étrange. Mais en l'occurrence... Comment ça se fait qu'Amazon, ils n'ont pas sauté sur l'occasion de ça? Ils n'ont pas fait un... Je crois qu'ils ont déjà de l'argent. Non, mais c'est jamais assez. Hein. Pourquoi ils n'ont pas fait des vidéos, des trucs? Non, mais ça, j'ai vu qu'en France, c'est Aldi qui a fait ça. Aldi a fait un concours. Alors, Aldi, c'est pas Amazon, hein, pardon. Mais ils ont fait un concours. Et si tu voulais te marier dans un Aldi, non, ils payaient tout. Non, mais ça va. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Absolument. Les gens ont participé? Bah, visiblement. Oui. Visiblement. Non, mais tu sais, c'est ce nouveau truc. C'est comme les baskets Lidl. Payait le mariage, c'est ça? Aldi payait le mariage? Ouais. Aldi payait tout le mariage, ouais. Mais tu es dans un Aldi. Oui, ouais. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, tu sais. Non, mais c'est pas ça, mais même, quand même. Non, mais oui, ça manque un peu de charme, ça, je suis d'accord. Il y a un petit peu... Mais c'est rendez-vous à Aldi, c'est dur, quand même, mais non c'est, dis, en vrai, c'est moins cafard que de payer de son propre argent pour faire un truc Amazon. C'est vrai. Non, je suis complètement d'accord. C'est vrai. Est-ce que vous, le mariage, c'est quelque chose t'es qui... T'es pas un mec de la tech, toi. T'es pas comme moi, toi. Est-ce que vous, le mariage, c'est quelque chose qui vous fait rêver? J'ai l'impression que dans notre génération, c'est un truc qui a vraiment un peu disparu. Vous aimeriez vous marier, par exemple? Adrien, toi, c'est quelque chose qui pourrait... Moi, j'aimerais arrêter d'être désespérément seul dans ma vie, déjà, mais sinon... Non, je plaisante. Non, mais non, pas tellement. Enfin, non. La fête, c'est marrant et tout, mais le fait d'être marié, je vois pas trop d'intérêt. Oui, c'est ça. Toi, Justine? Je me suis posé la question. Bah, j'imagine. Et voilà. Et je projette un mariage à Las Vegas débile, moi. Ah, wow. Ça, genre, oui, marié par Alice. Mais alors, on est entre nous, il est pas au courant. Non, c'est vrai. Ouais. Je me pose la question, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que j'ai vraiment peur de me dire, je vais prendre un avion, je vais aller à Las Vegas pour qu'ils me disent non? Ah, je vais faire ta demande et te marier tout de suite après. Ah, bah oui, c'est ça, Las Vegas. Ouais, c'est ça, Las Vegas. C'est le concept. Ah, ouais. Ça peut être très glauque. Ça peut être... Voilà, je sais pas. Mais pas, non, c'est marrant. Toi, Biflo, mariage? Alors, moi, dans l'idée d'éclabousser les gens de mon bonheur, j'aime. Je vous le dis franco. Hein. Non, mais je vais pas vous mentir, je suis au footcast. J'aime bien cette idée d'étaler le truc, là. Et je vais y aller. Et ça va être une dinguerie, mon mariage, les gars. Coco, je suis Coco. Je serai invité? Ah, mais bien sûr. Ah. Mais vous nous faites un petit footcast en direct ou un truc comme ça. Alors, ça, c'est pas invité, c'est travailler pour. pas pareil. Non, ouais, j'aimerais bien faire un gros mariage d'ultra bof. Ah, bah oui. Mais je crois que c'est dans le contrat, hein, je crois. Ça, on avait tous, hein, que ce serait un truc de bof. Oui, oui. Non, mais je peux aller jusqu'à louer une Lamborghini et tout, attention. Je suis capable de ça, moi. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je trouve. Enfin, si je devais me marier, moi, j'ai pas envie de me marier, mais j'imagine vraiment le truc, genre, on se met dans une petite pizzeria, mais dans laquelle on est allé tout le temps, et tu sais, on invite personne. Là, on a les deux types de riches différents. Ouais. celui qui a honte. Non, mais tu vois, il y a ce truc un peu de. on l'a pas dit à nos amis, à, nos, à notre entourage, et tu dis, bah, au fait, on s'est marié, c'est fou. Je sais pas, je trouve ça un peu mignon. Tout le monde aurait honte de te marier aussi, non? Je crois pas. Et moi, alors, l'autre truc, je déteste les mariages moi également. Aussi, j'ai horreur de ça. Bah, tu vois, j'aime pas être invité, donc je me dis, ah, est-ce que je vais infliger ça à mes amis, tu vois? T'es déjà allé à des. Oui, remarque. Peut-être t'es déjà allé à des mariages de gens que t'aimais bien. Ouais, et t'as pas aimé? Que des gens que je déteste. Non, mais des fois, bah. Non, mais pas des gens que tu détestes, mais des gens où c'est l'ami d'un ami ou quelqu'un que t'es pas. Non, même ami d'amis, moi, j'y vais. Moi, faut vraiment que ce soit proche pour que j'aille à un mariage. Oui, mais voilà. Ouais, et même cela, t'as pas aimé? Même, et enterrement, encore plus. Vraiment, j'ai. Mais non, moi, mariage, vraiment, ça me met mal. En fait, je trouve ça long. Déjà, je trouve ça long. Oui, mais c'est quand t'es avec des gens que t'aimes bien. On mange trop. C'est jamais que des gens que t'aimes bien. Il y a toujours une partie. Bah, souvent, c'est les mariages. Rien, t'es trop entier comme mec. C'est vrai. Je suis du lait, en fait. C'est une blague du film Le Baltringue avec Vincent Lagaffe. Oh, je vous merde. Le dis, hein. Non, mais je cite mes sources, moi, attention. Non, mais être invité à des mariages, c'est quand même un. Non, toi, tu trouves ça sympa? Ça dépend. Je suis avec des gens que j'aime bien. Et surtout, putain, ça la m'étonne musique de toi, là. T'aimes bien les mariages, qu'est-ce qui te prend? Non, je dis pas que j'aime bien les mariages, je dis quand je suis avec des gens que je connais et tout, oui. Surtout que la musique est toujours infâme, qui est ma musique préférée pour danser. De toute façon, c'est les lacs du Connemara, de toute façon. De quoi? C'est les lacs du Connemara et rien d'autre. C'est une merde des années 80, mais moi je suis très content. Est-ce qu'il y a des gens qui adorent vraiment les mariages? Sinon, pourquoi on n'arrêterait pas ce truc? Oui. Parce que j'ai l'impression que ça fait chier tous les invités. Sauf les parents. Ouais. Est-ce que bon, on se dit pas, bah, allez, on arrête tout ça parce que ça nous fait tout chier globalement. Dans une petite pizzeria où on prévient pas les gens. Non, mais par exemple, je sais pas. Une non, idée. Mais les gens dont c'est le mariage kiffent a priori. Ah voilà. Mais moi, ça me met mal à l'aise. C'est un mythe, hein, je crois. Hein. T'es bien stressant lui par le jour de ton mariage. Oui, non, mais eux, ils sont pas bien. Si... Oui, bah, et puis moi, franchement, être le centre de l'attention d'une soirée, c'est vraiment. Oh, ça me dégoûte. Au Japon, le gouvernement a lancé une campagne auprès des jeunes assez surprenante. À votre avis, laquelle? Alors, c'est une campagne pour les pour les jeunes. Arrêter de faire quelque chose. Non, moi je sais. Ah, le sait, le pote. Bah, dis-le, vas-y. Pour les forcer à boire. Alors, les forcer. De l'alcool. Ah oui, j'ai vu ça. Non, c'est plutôt pour les inciter à boire plutôt que pour les. Ça s'appelle Sake Viva. Comment? Sake Viva. Ah, Sake Viva. Sake Viva. Je le dis à l'espagnol vu que c'est au Japon. Tel est le nom d'une campagne pour le moins originale imaginée par l'agence fiscale du Japon. Son objectif, inciter les jeunes à boire plus d'alcool alors que la consommation dans le pays est en constante baisse, tout comme les recettes qui vont avec pour les caisses de l'État. La dette du pays s'élève quand même à 48 trillions de yens, soit l'équivalent de 10 milliards d'euros. Belle somme. La même année, les taxes sur l'alcool ne représentaient plus que 1,7% des revenus fiscaux nationaux contre 5% en 1980. Donc c'est l'État. C'est l'État, c'est l'État qui demande, qui dit « Allez-y, faites la fête. » Pour combler la dette, trouver cette solution-là. Et puis si vous voulez conduire, bon, allez. Non, c'est pas vrai. La campagne japonaise, elle incite les jeunes à boire. Est-ce que vous étiez... vous étiez quel genre de jeune, vous, en soirée? Est-ce que vous vous mettiez minable? Parce que je me tourne tout de suite vers Justine, qui a vécu en Bretagne. Tu faisais à quoi ressemblaient les soirées de Justine Lepotier à Saint-Malo? À Saint-Malo, et pas d'alcool, mais beaucoup de joints, ah. Vraiment énormément d'herbes. Mais c'était plus vraiment, c'était un peu l'image qu'on a vraiment des jeunes Bretons. On était sur une plage. T'es pas d'alcool? Je suis surpris. Bah, j'ai jamais beaucoup bu moi. Ah, oui. Bah, je tiens pas à l'alcool, je suis pas voilà. Non. Toi, Flo, c'était quel genre de jeune à Toulouse? Chiant à mourir. Non, moi, j'ai jamais bu d'alcool. T'en es convaincu? Ouais, ouais. Tu vois ça paraît. Et souvent, les gens me répondent. Mais non. C'est la réponse numéro un. Moi, j'ai jamais bu. Comme ça, ils font. C'est ce bruit guttural. Hein. Pas de mots, c'est juste. Comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'ils ont ce truc de. Attends, on va te faire goûter un alcool et celui-là, tu vas l'adorer? Ah oui, non. C'est horrible. Rien de plus relou que de dire ça. horrible. Et pourquoi? Bon, bref. Ouais. Moi, ce que j'aimais bien, c'était. Moi, je sortais beaucoup avec mes potes. Et j'aimais bien le moment où ils devenaient très bourrés. Et du coup, je les gérais un peu. C'était comme un genre de. C'était comme un genre de jeu vidéo, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a l'autre qui commence à grimper sur les murs et tu lui dis oh arrête, l'autre il renverse des poubelles, c'était voilà. Tu joues aux Sims en fait. Un petit peu, c'était le Sims alcool version et voilà, je devais gérer ça quoi. Tu étais le Sam en fait un peu de tous ces gens. Ah, je suis Mister Sam, ouais, 100%. Ouais, c'est ça, magnifique. Toi Adrien? Oh bah moi. Non bah ouais, chiant aussi, pareil. Mais toi t'aimais t'occuper de tes potes ou? Non pas du tout, non. Ouais, non. Moi la différence c'est que moi mes potes ne buvaient pas non plus. Ah. Donc en fait on se faisait chier chez nous. Non en plus, non je dis ça, on se faisait pas chier du tout, mais non pas d'alcool, moi j'étais juste... ouais. Mais pas, c'était quoi tes soirées en... Pas sortir, mais ces soirées en... T'allais en boîte? Non. Mais pas du tout, bien sûr. T'y allais quand même combien de fois? J'en sais rien, j'ai pas... Deux, trois? Non, plusieurs fois. En fait, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je suis allé en vacances chez un ami qui habitait à Tahiti. Oh. Et donc je me suis dit, trop bien, je vais découvrir la Polynésie française. Sauf que lui, moi j'étais dans ma phase geek, qui aime pas trop sortir et tout. Bah, qui a duré pas longtemps en plus. Bah non, non. Et j'avais entamé ma phase, c'est ce que je veux dire. Et lui, il était dans sa phase à fond, genre boîte de nuit et tout. Donc je suis allé en boîte de nuit tous les soirs de ces vacances-là. Donc j'ai grave kiffé, c'était trop bien. Et donc je suis allé pas mal de fois à ce moment-là, mais sinon de mon plein gré, jamais. Et non, moi c'est plus soirée, petit comité avec des potes, on rigole, on refait le monde, tu vois, tu on connais. On écoute de la musique. Bah ça en fait, mais oui, c'est ça, mais ça. Y avait moins de monde qui écoutait. Mais... Des faux policiers se sont fait arrêter. Alors oui, là, on atteint une autre partie du jeu où c'est que des news qui ont eu lieu à Toulouse. Ah, parce qu'il y a aussi des gens chelous à Toulouse. Et oui, évidemment. Une bonne partie est ici ce soir. Une bonne partie a applaudi. Couille. Et que j'encule mon chien aussi. Voilà. Des faux policiers se sont fait arrêter par la police toulousaine parce qu'un motard les a grillés. Comment a-t-il fait pour les griller? Les grillés. Il a vu que c'était pas des vrais policiers. Ah, non, j'avais pas compris. Non, il est là-bas, il les a pas mis dans un barbecue. J'ai pas compris la question. En fait, il y a des faux policiers. Il y avait non, des, moi, faux compris, mais... des faux policiers. Ouais. Ok. Ils étaient dans Toulouse comme ça et la police les a arrêtés parce qu'un motard a dit eh, mais ça, c'est des faux policiers. Un motard de la police. Non, non, un motard. Ah, un motard. Tu vois. Ah, moi, rien à sa question. C'est pas un motard de la police. Ok. Mais pourquoi un motard? Au Japon. Non, c'est le gars qui les a reconnus, tout simplement. Et il a appelé les flics pour dire c'est des faux flics. Écoutez, il se passe quelque chose là. Pardon, le motard, vous êtes des faux flics. Ils ont fait ok, on arrête. Non, il les a dénoncés au keuf. Ah bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Oui, sauf que là, avec votre histoire, vous avez trouvé la réponse. En gros, l'histoire. Laisse-moi expliquer. Oh, j'ai rien. Mais oui. C'est un des moments les plus étranges de ma vie. Alors. Laissez-moi vous expliquer et ne me coupez pas la parole, je vous en supplie. Deux hommes ivres se sont amusés à se faire passer pour des faux policiers. Et ils ont arrêté un motard. Sauf que le motard... Oui, non, mais... Mais on n'a jamais dit ça, par contre. Finir ! Non, mais tu vas comprendre quand je vais finir, regarde. Et le motard, en fait, était un policier qui était banalisé, qui se faisait passer pour un mec normal. J'ai toujours pas compris. Donc, c'est comme ça. Si. Voilà, vous n'y mettez pas du vôtre. Mais non, si, mais je l'ai. Mais il donc, en fait, vous avez trouvé, malgré tout, parce oui, mais que... on n'a pas trouvé le fait que les mecs avaient essayé d'arrêter des gens. Un flic, ça, oui. J'allais y venir, mais, oui. C'est, mais bon, c'est pas... C'est pas grave. Maintenant, parce que vous avez déjà dit, c'était un flic ou pas. Et le motard était un flic. Voilà, donc malheureusement, ça a un peu niqué le truc. Donc on a trouvé. Ouais, c'était... Et très très vite, puisque j'ai même pas... Ils ont arrêté pile un motard en civil. C'est ça, c'est des faux policiers. C'est pas de chance, quoi. Bah, c'est ça. C'est faux. C'est vraiment pas de chance, quoi. C'est très rare. Les faux policiers les arrêtent pour les contrôler sans savoir... pour le contrôler sans savoir à qui ils ont affaire. Les vraies forces de l'ordre arrêtent alors les deux hommes âgés de 22 et 23 ans. Si l'un des deux se laisse faire, l'autre ne peut être menotté qu'après l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique. Ouf. Ah, là, il tenait vraiment à jouer au flic, quoi. Ouais, il a ouais. Vraiment dit... Parce que de base, c'est une petite blague, bon, c'est une petite blague, quoi, non ? Il était genre, électrocutez-moi, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous avez déjà eu des mésaventures avec la maréchaussée, avec les forces de l'ordre ? Alors, non, mais en revanche, à l'époque du confinement, j'ai eu affaire à un mec qui était clairement un faux flic, qui contrôlait les passes... non, les passes sanitaires, ouais. Pas les passes sanitaires, les trucs qui... Les attestations ouais, de sortie. Ouais, voilà, merci. Ah, c'est la belle époque, ça. Moi, je promenais ma chienne. Ouais. Et y a qui est magnifique. Un ange tombé du ciel. Mais voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit là. Non, et le gars... en fait, elle venait de chier, donc. Et, ce donc, petit ange. Voilà, oui, mais les anges chient. Hein, chier, oui. Ils n'ont pas de sexe, mais ils ont un trou de balle. et donc, je ramasse sa merde. Et là, il y a un mec qui traverse. Et... Bon, il reste un peu de merde sur le truc, mais c'était genre au pied d'un arbre, les espèces de carrés, là, quoi, voilà. Et le mec arrive, et déjà, son uniforme n'avait aucun sens, quoi. C'était genre une veste, et il avait un t-shirt avec écrit police, mais vraiment... Avec écrit NYPD, non, mais mec, limite... Non, mais vraiment, on aurait dit qu'il l'avait acheté c'était dans Ibra une... TV. c'était tout le monde, un YouTuber. Non, mais le truc que t'achètes dans un surplus, enfin, c'était vraiment... Enfin, c'était pas du tout un uniforme. Il avait un t-shirt, je suis policier, et alors Et il me dit, c'est sale là. Je fais, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est de la merde de chien. Oui. Et il a fait, ouais, bon, d'accord, je peux avoir votre attestation? Donc je lui montre. Et il fait, c'est pas la vraie attestation, ça. Je fais, si. Il fait, ok. Très facile à convaincre, ce flic. Et il fait, ouais. Et il prend son téléphone, il le tient à l'envers pour que je vois qu'il n'y a rien sur l'écran. Il fait, tu peux m'envoyer une patrouille, là? Donc oui, les flics souvent font ça au téléphone, ils ont pas des... Enfin, tu vois. Donc, une patrouille. Et surtout, il a rien... Il a composé aucun numéro, quoi. Et ton chien a chié. Et moi, je le regarde genre, je vais y aller, quoi, tu vois. Et vraiment, je suis parti et le mec, il fait... Ouais, vous pouvez y aller et tout. Je fais, ouais, je vais, ouais, parce que... Je crois que c'est le scénario... C'est le scénario de Bac Nord 2, je crois. Très décevant. Peut-être c'est... dans une vidéo YouTube, en vrai. Hein? Il y a peut-être une vidéo YouTube de ça. Comment? De toi, ouais, de toi, en fait. Je suis sûr ça que ressemble à un prank. C'est un prank. Un prank. C'est un prank. Ah, que... Non, je pense pas. Non, il était fou. Non, parce que... Non, un prank, le mec aurait bien joué le truc. Là, le mec était nul, en plus. Okay. Non, mais je pense que c'était soit un gars qui voulait arnaquer, genre des petites vieilles, ou moi, apparemment. Non, mais en leur disant, hey, vous avez une amende, il faut la payer tout de suite, parce qu'il y a des gens qui faisaient ça. Ou alors c'était juste, il y a des gars qui fantasment d'être flics et qui n'ont jamais réussi et qui s'est dit, oh, je vais me faire un kiff, je vais contrôler des gens et tout. Bah, Justine, toi, qui adore te déguiser, je suis sûr. Quelle belle transition. Non, moi j'ai joué des flics, c'est là où tu veux en venir. Oui, dans Le Tueur du Lac sur TF1. Oui. C'est qui le tueur d'ailleurs? Dis-le. C'est le pompier. Génial. Et du coup, on nous met des uniformes de flics, donc un peu comme ton gars là. Oui, mais j'espère un mieux peu plus que. Crédible, voilà. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de, par exemple, enfin, on sort du plateau, on va à la cantine, c'est pénible. Hein. et du coup, on nous met les costumières nous mettent des trucs pour nous cacher parce que légalement, on n'a pas le droit de se balader avec des trucs de keuf, etc. Et sauf que j'ai plusieurs fois. J'ai enlevé le petit cahouet, le petit truc pour voir ce que ça faisait. Ça n'a rien fait. En toi, tu veux dire que ça n'a rien provoqué? Non, mais ça n'a rien... Non, puis même... Chez les gens. Les gens s'en foutent complètement, en fait. Ouais. Je pensais qu'il y avait quand même la peur du keuf. Pas de moi, visiblement. Faut dire que tu étais à Annecy, également, aussi. Exactement. Il y a peu de criminalité. Toi, Flo, t'as déjà eu une altercation? Parce que tu fais du rap. Moi, je viens du milieu du rap, hein, attention. Je rappelle que tu n'es pas un gangsta, il me semble. Non, c'est vrai. Oui, mais attention quand même. Attention. Oui. Attention. Moi et la police, attention. Hein. Ça, les keufs, attention. La poulaga. Côte-côte les polices. Je t'ai déjà entendu dire côte-côte les flics. Donc, ouais, non, mais, et moi, j'ai pas peur de le dire. Ouais. Non, moi, ce qui m'est arrivé, c'est la seule fois où je me suis fait arrêter par des policiers. J'avais volé un vélo. Et donc, je sortais. En civil. Je sortais du métro et j'arrive et je prends un ciseau et j'essaye de péter le cadenas du vélo. Mais t'es un gangsta, en vrai. Twist! Parce que mon histoire est bien racontée. C'était mon propre vélo. Ah, pourquoi? Parce que j'avais perdu la clé. J'avais perdu. Non, c'est un pote qui me l'avait caché, encore plus relou. Il me l'a dit le lendemain. Hey, regarde, j'avais ta clé. Donc. Ah, bonne blague. Je suis en train. C'était le père Fouras. Et je vais l'acheter. Oh, je vais jeter la clé. Le mec, il t'a fait des énigmes pendant une journée. Mais arrête, je cherche mes clés. Putain. Oh, je suis plus vieux, mais attention. Bon, ouais. Ça va, c'est bon. Bon. Et je commence à forcer avec le ciseau comme ça, et là je sens une main sur mon épaule, et boum, c'était un flic. Il me fait, allez, mais. T'avais quel âge? J'avais 16 ouais, ans. Pas 16... encore célèbre. Ah non, pas encore. Bientôt. Ça s'est fait très peu de temps après. Oui, ça a été mirobolant. Non mais bref, il me tape le truc. Et tu sais, même. Dans une ambiance presque sympa, en mode, bon voilà, t'es niqué, c'est... Ouais. Tu vois, pas... Genre, allez. Voilà. Et moi, je dis, mais non, c'est mon vélo. Mais il fait, allez. 90 ans. Ils ont dit, mais ça marche pas du tout, vous êtes jeune, vous n'avez pas 90 ans. Non. Et il me fait, oui, allez, bon, allez, on y va, là, tu vois, en gros. C'est sûr que c'est l'excuse que chacun sort, en plus, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, il me dit carte d'identité. Moi, malin, je lui demande ma carte du conservatoire de Toulouse. Oh, monsieur. Pour lui dire, hey, musicien, machin, ça n'a pas marché. Il m'a dit, allez, ben, on y va. J'ai dit, non, mais vraiment, c'est mon vélo. Là, il doute. Il me fait, bon, ben, t'habites où, là? Il me dit, ben, en vrai, j'habite juste à côté. On va voir mon père, il vous dira comment est mon vélo. En chanson, hélas, mais... Quel vélo de vélo. Mon pauvre père. On l'adore. Il a souffert. Oui, oh, ça va, tout ton Adidas, là, on a vu. Tu l'as bien, ça va, il récupère. Et donc, je monte dans le fourgon. Avec... Ah oui, donc vraiment dans le fourgon. Je monte dans le fourgon avec plein de flics. Bonne ambiance. Sincèrement, non mais sincèrement. Des gens adorables. Bah, eux, en tout cas, à cet instant-là, ils n'ont pas été méchants avec moi. Ouais, quoi. Cool. Et ils m'amènent, ils me disent c'est où chez ton père, machin. Ils m'amènent, et ils sonnent, et mon père sort et il me voit, moi, dans un fourgon de keufs. Ah, horrible. Avec 8 keufs comme ça. Et moi, je suis tout gêné. Et là, le truc, c'est que mon père, c'est un Argentin. Il savait même pas dans quelle classe j'étais, il a jamais compris. CM1, CM2, il comprenait pas. Et là, le flic il arrive, il fait « Bon, monsieur, on a arrêté votre fils. Il est de quelle couleur son vélo ?» Et moi, je suis là, moi, de papa. Là, c'est le père Fouras aussi, c'est vraiment unique. Et moi, là, je dis « Papa, te trompe pas. » Et je le vois, mon père qui fait « Putain, le vélo, il est de quelle couleur ?» qu'elle croit qu'il est... Et par chance, il dit la bonne couleur. Et ça suffit pour les policiers. Il est bleu, il fait bleu. Bah, allez, c'est bon, on rentre. Voilà, c'était ma petite histoire. Voilà. Allez, j'ai dit, bien. Merci les policiers. Ils m'ont dit, allez, à la prochaine. Hey, gangsta ou pas, les gars? Le vélo. Eh bien, un Toulousain de 37 ans, encapuché, visage dissimulé, ganté, a été arrêté alors qu'il versait un jerrycan d'essence dans l'habitacle d'une voiture à 1h du matin. Ouh. D'accord ? Oh, l'ambiance. Son excuse auprès des policiers n'a pas vraiment fonctionné. Pourtant, elle est tout à fait vraie. Laquelle était-elle ? Est-ce qu'il a dit que c'était sa voiture ? Alors, c'est littéralement la bonne réponse. C'est un peu plus coquin que ça, mais c'est ça. En gros, il voulait se débarrasser de cette voiture. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce Toulousain est un immense loser, avec tout le respect que j'ai pour lui. Un Toulouseur. N'applaudirez pas. Ouais, ouais. Non, attention. Il y a deux teams. Attention. cette vision, vendredi 31 décembre 2021, donc ça date un petit bon peu, dans le quartier du Mirail à Toulouse, a fait dévier la patrouille de sa trajectoire. Les policiers se sont rapprochés de l'ombre qui a tenté maladroitement de se dissimuler. Il sentait le carburant à plein nez, tout comme la voiture qu'il venait d'arroser. Sur lui, les forces de l'ordre ont trouvé une massette, une petite masse, voilà, vous faites des beaux fléchés, voilà, je vous offre, du fil et un briquet. L'individu a été placé en garde à vue car la voiture en question était signalée volée depuis fin novembre. La propriétaire, la compagne de l'incendiaire, présumée. Pardon. Oh là là, il y a un rebondissement. Oh là, c'est Lost. C'est Lost. Cette femme, ne voulait plus de son Opel Zafira, mais plutôt que de le... C'est important dans l'anecdote, pas du tout. Mais plutôt que de le conduire à la casse, son compagnon l'a, sans lui en parler apparemment, stationné dans des quartiers qu'il estimait chauds, parfois même portes ouvertes, afin que quelqu'un fasse le travail à sa place. C'est énorme. C'est légendaire. Le but, récupérer l'argent de l'assurance. Il espérait que les gens brûlent la voiture. Ouais, ou la pètent, ou la défoncent, et qu'ils disent « Ah voilà, on m'a volé ma voiture, et on me l'a pété. » Donc dans sa tête, c'est un plan machiavélique. Mais quelle bonne idée, en vrai. Ah bah, il a été arrêté par les flics, donc c'est une idée nickel. Ouais. Mais force est de constater, ça me tue de rire, qu'après l'avoir déplacé à de nombreuses reprises, parce qu'elle pétait pas, donc du coup, il s'est dit « Bah, je suis un peu là, bon. » Nul n'y avait touché au bout d'un mois. Ce qui l'aurait incité à passer à l'action. L'histoire se finit vraiment mal. Le véhicule était assuré, oui, mais ni contre le vol, ni contre l'incendie. Le trentenaire, inconnu des services de police, a été relâché par la police qui a eu pitié de lui. Voilà. Wow. Ils sont sympas, les flics. C'est sûrement la même bande que moi. Ils sont allés voir le père, il y a quelle couleur sa voiture. Ouais, c'est bon, allez. Des passagers du vol Toulouse-Marrakech vont tous être entendus par la police suite à un événement qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 juillet. Que s'est-il passé? Alors, ça s'est passé dans l'avion? J'imagine. Question que tu peux me poser, ça s'est passé effectivement dans l'avion. Quelqu'un a voulu conduire l'avion. Alors, on s'approche. Je sais qu'il y a un avion qui a galéré là, il n'y a pas longtemps, à atterrir ou à décoller. Alors, je ne sais pas si c'est cette histoire. Parce qu'on m'a appelé, on m'a appelé. Ils se sont endormis, les gars. Non. Les pilotes se sont endormis. Ah non, parce que c'est vraiment les passagers du vol. Les passagers ont conduit l'avion, du coup. Alors. Ils n'ont pas conduit l'avion. Florent, voilà. C'est ça. N'insiste pas. Elle est déterminée. Et ils ont tous été arrêtés. Ils n'ont pas les 500 passagers de l'avion. Oui, ils sont tous suspects, quoi. Oui, de, voilà, c'est de ça. Quelque chose s'est passé. 500. J'ai été dans un très gros chiffre. Il n'y a pas 500 personnes dans un avion aussi. Ah ouais, si, à peu près. Oui, je oui. l'ai fait exprès, bien sûr. Bien sûr, je savais. Est-ce que, alors, je vais très loin, est-ce qu'ils ont tous fait un genre de jeu, genre. Wow, wow. C'est à bord. Du coup, qu'on chante. Il était arrêtez. Et du coup, vous allez tous vous faire arrêter, hein. Il y avait le pilote, le chauffeur de bus. Le pilote qui disait bah je veux bien appuyer sur le champignon mais je suis pas champion, laissez-moi tranquille. Non, c'est pas ça. Non mais ils sont tous mis tout nus. Non. Ils ont trafiqué saboté un truc, cassé quelque chose, détérioré. Ils arrêtent tout le monde, c'est qu'il y a un gars qui est suspecté, ils savent pas lequel au milieu. Alors non, ils sont tous coupables. Une grande partie de ces gens sont coupables, mais du coup, tout le monde est un peu suspect. Ah, ça aurait été un délit, donc, en communauté, groupe, quoi. Groupe, collectif. Wow. Est-ce que c'est un truc qu'ils ont prévu à l'avance ou ils ont fait une dinguerie sur le coup? Ils ont fait une dinguerie sur le coup. Une véritable masterclass, même, j'ai envie de te dire. Ils ont fait une chenille, genre, un truc comme ça. Non, ils sont pas partis en couille, en mode vacances, let's go, la nuit. Est-ce que... Plus ou moins l'exact inverse, Flo. Okay. Est-ce qu'ils ont détérioré d'une certaine manière l'avion? Oui, d'une certaine genre, manière, ils ont, oui. Allez, ils ont agressé une hôtesse. Non. Mais non, mais ils ont genre tous chié sur leur siège, par exemple, un truc comme ça. À la Toulousaine. non, pas du tout. Non, mais c'était un exemple, hein. À la Toulousaine. Ce sera le titre de cet épisode, hein, malheureusement. non, en fait, t'es pas si loin, Justine. J'ai presque envie de vous le donner. Parce qu'il n'est pas. Ils ont conduit l'avion. Non. Ils ont tapé à la porte en disant vas-y, laisse-nous rentrer. Non, ça aurait été marrant. Du cockpit. Est-ce que Allez. Le pilote est suspecté? Non, le pilote n'est pas suspecté. Il est blanc comme neige dans cette histoire. J'en sais rien, je le connais pas perso, mais oui. Ils ont insulté le pilote quand il faisait les trucs genre bienvenue à tous. Ils disaient ta gueule, non. Tu me dis pas quoi faire. Oh, ça va, mollo. Non, mais par contre, ils ont été agressifs. Alors, pas contre. Enfin, c'est plus véhément, disons. Ils n'ont pas fait d'actes violents. Contre le personnel? Le masque? Non, pas le masque. Contre le personnel volant? Oui, à peu près. Oui, en partie. Les hôtesses et les stewards? Envers la compagnie en général, en fait. Ils ont refusé de mettre leur ceinture. Ils ont voulu péter les hublots? Non, mais vous êtes vraiment pas loin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont énervés. Ce sont énervés. Pendant le vol? Non. Mais est-ce qu'ils avaient faim du vol? Avec l'alcool? Non, à la fin du vol. Ah. Ils ont voulu descendre avec le toboggan. Je sais. Le mec, ils ont considéré qu'il avait mal atterri ou il leur a fait peur. Et eux, ils sont allés faire « Mais t'es malade, le pilote, mais ça va pas, enculé, machin. » Non, pas du tout. Yes, ils ont refusé. C'est fou d'avoir dit « Je sais » avant cette réponse. C'est pour donner du peps, oui, à l'émission. Ça, merci beaucoup. Et je te remercie. Ça l'a relancé un peu. Merci. Oui, merci. Je rebondis. Ils n'étaient pas contents de leur vol pour une raison qui leur appartient. Oui. Et une fois qu'ils ont atterri, ils ont dit on descend pas de l'avion comme les footballeurs. Ah. Très bonne réponse de Justine Le Potier. Et ça c'est fort. L'article utilise un terme qui me fait marrer mais parce qu'il est un peu plus fou, c'est ils se sont emparés de l'appareil. Oh, wow. J'avais raison depuis le début. Non. Le journal raconte que le vol... Alors, c'est pas à l'atterrissage, pardon, je me suis trompé, mais à culpa, c'était au décollage. Pardon. Non, mais ouais, ça change tout. Non, le journal raconte que le vol aurait dû décoller à 21h30, mais à cause d'un retard, les passagers ont dû attendre en zone d'embarquement non climatisée. Une situation devenue insupportable avec les températures caniculaires qui a duré des heures jusqu'à l'annulation du vol. Donc, en fait, ils sont montés dans l'avion et ils n'ont pas voulu sortir. C'est-à-dire qu'ils ont fait... On rentre dans l'avion et après, les gens ont dit « Bah, sortez !» Ils ont fait « Non. Vous décollez maintenant. » On ne sort pas de cet avion. C'est les vacances, à Marrakech, frérot, ils les attendaient depuis longtemps. Mais c'est ça, il faisait chaud apparemment et tout. Mais attends, il y avait un problème sur l'avion ou pas? Oui, alors eux, je ne sais pas s'ils l'ont dit, il y a eu un problème, il y a eu un retard qui est devenu une annulation. Ah, oui, d'accord, mais c'est pas forcément un problème sur l'avion lui-même. Ah, on ne sait pas exactement. Sinon, c'était vraiment très stupide de dire, bah, vous décollez. Il manque une aile, je ne veux pas le savoir. Au prix où on paye, quelques-uns ont pété les plombs, raconte un passager. Certains passagers ont commencé à forcer l'embarquement et ont grimpé dans l'avion. Et une fois à l'intérieur de l'appareil, certains passagers ont tout simplement refusé d'en sortir. La police a encerclé l'appareil. Selon le directeur d'opération, personne n'a pu accéder au cockpit. Voilà. Et la police toulousaine, qui a géré ça d'une main de maître. Qui est allé voir le père du pilote, qui a dit « Quelle couleur est l'avion ?» Ben blanc. Allez, bien joué. Bien joué. Ah, Ah ouais. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils n'avaient rien à boire, rien à manger. Ils n'avaient que leur détermination. Parce qu'ils sont restés des heures. Ça a duré jusqu'à 7h du mat le lendemain. Non, ils ont pété un câble. Ils sont restés très longtemps. Et le truc, l'avion a décollé finalement. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est comme quoi? Non, pas du tout. Non. Vraiment bien joué de leur part. Pas du tout. Certains très bonne décision de leur part. Mais en fait, c'est une série Netflix. C'est une série Netflix parce qu'à l'intérieur de l'avion, il y a des gens qui au bout d'un moment disaient: bon, les gars, peut-être on sort. Et on dit, fait, non, on sort pas. C'est un film français avec Franck Dubosc. C'est LOL qui ressort. Ça la grève. Et au final, ils ont réussi à sortir. Voilà. Et ceux qui voulaient partir ont pris l'avion à 11h du matin le lendemain. Les autres ont été arrêtés par la police, tout simplement. Des vacances un peu gâchées. Est-ce que vous pouvez, parce qu'en même temps, je ne vais pas défendre ces gens, mais c'est vrai que parfois, dans des situations de tous les jours, on est dans le stress, on est face à des gens qui n'ont pas la patience, on ne connaît pas leur vie, mais c'est vrai que des fois, on sort à des murs et des fois, on pète des câbles. Est-ce que vous avez déjà pété des câbles face à des gens qui n'ont pas été Big Flo, toi, par exemple, peut-être Non, mais je ne sais pas. Ouais, moi, à l'époque, je pétais beaucoup de câbles. Quand tu étais plus jeune? Ouais. Mmh. Je me suis... Bon, je me suis calmé depuis quelques années. J'étais un peu vénère. Mais là, t'étais... Là qu'on parle, quand t'étais déjà une énorme star ou pas? Attends, parce que c'est... j'ai l'impression de toujours avoir été une star. Non mais c'est le avant-après, ça n'a rien changé. Tu vois qu'il plaît aux gens, ce perso. Oui, ce public-là, dans la bonne ambiance. Après, t'inquiète pas, sur Twitter, ça va m'allumer. Mais t'inquiète pas pour moi. Non mais c'était pour savoir si t'avais pété des câbles auprès de gens qui bossaient pour toi dans des concerts ou c'était juste dans la vie en général. Ah, dans le milieu pro. Parfois ça peut m'arriver, mais bon, c'est pour des raisons. Et sur Twitch, ça t'est déjà arrivé ou pas? Sur Twitch. Oh, c'est rien. Non, avant je pouvais vraiment péter des câbles de fou sur des trucs comme ça. Et le pire truc que j'ai fait, c'est ridicule à mort en plus. Parce que bon, vous doutez bien, j'ai pas un physique pour aller dans le conflit physique direct. Donc ça, je le sais, j'en suis conscient. Et donc là, j'étais en train de faire la queue, en plus à l'aéroport. Tu sais, c'est le moment où tu passes le truc chiant là, de la sécurité. Oui, la sécurité. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de trucs, j'ai un ordi, les machins, ils font tout sortir. Et j'ai un gars, un vieux gars derrière moi, hyper désagréable, qui souffle. Au bout de 20 secondes, il souffle déjà, quoi. Il fait genre... Ouais. Et moi, je dis, bah oui, mais je finis, machin. Et à un moment donné, il s'énerve, il pousse mes trucs... Et il met son truc comme ça, tu vois, genre violent. Agressif, ouais. Agressif et tout. Là, je pète un câble, je lui attrape son bac comme ça. Je lui attrape, je lui dis non, comme ça. Tu sais, des fois, tu... Mais t'es un maboule, en fait. Ah non, mais moi, je suis un rappeur. Hein. Moi, j'ai pas peur. Hein. C'est vrai ce qu'ils disent à la télé, c'est vraiment une musique de sauvage. Non, mais vous allez voir, c'est plus sournois. C'est là où je suis plus sournois, au vu de mon physique et plus malin. Je tire le truc, et lui, je le vois qu'il tire. Et là, je fais une simulation... Je me jette en arrière. Oh! En criant. La fin de vieille personne. Ah, j'ai pas dit que j'étais fier. Il m'a cassé le col du fémur. Mais ça va pas! Pour que tout le monde l'entende. Le gars, du coup, c'est mal. Il est hyper gêné. Sauf que tout le monde me prend en pitié, moi. Bien sûr. Et les gens, ils font: mais ça va pas, monsieur, vous voyez pas? Et je le regardais comme ça, tu vois. En mode, tu vois. Tu veux passer devant moi, hein? Bien et joué. Lui, il était fou de rage, quoi. Fou de rage, et il passait pour le méchant en plus, donc c'était nickel. Mais tu sais, c'était le méchant, cela dit. Oui, de base, oui. Bon, j'aurais donc, juste pu dire, mais allez, passez devant. Voilà. Non. Fin de l'histoire, non. C'est ce que je fais. Il n'y a pas de ça. Ben moi, je comprends. Moi, ça m'est arrivé assez récemment aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais c'est. c'est ma. Donc, ma compagne était enceinte de 7 mois, et c'est vrai qu'il y a quand même un peu un truc. Moi, je suis pas pareil. Je suis pas non plus quelqu'un de très stock. Et je suis pas dans un. Enfin, si un jour moi et ma meuf dans la rue on se fait emmerder, je panique parce que je sais pas si je peux l'aider vraiment. Et ce qui est très triste, c'est que je pense qu'elle le sait très bien. Je pense qu'elle. Quand je dis non, mais on va prendre un taxi, plutôt elle fait évidemment qu'on va prendre un taxi. Pas. Évidemment. Ah, je connais tellement ça. Aucun problème. J'ai déjà commandé. Vraiment, ne t'inquiète pas. Ah, mais ouais. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, on va à l'Euro Merlin. Parce qu'on a des vies un peu dingues. Et donc ma meuf, à ce moment-là, est enceinte de 8 mois. Okay, donc elle a mal au dos. Enfin, c'est difficile, au bout de 8 mois, vraiment, t'as qu'une envie, c'est que ça sorte. Je parle d'un enfant. Hein. Et le fait est que tu as le droit... Il a adoré cette blague. Et quand tu es enceinte, tu es censé ne pas pouvoir... Enfin, tu peux ne pas faire la queue, tu peux passer devant. C'est ce qu'on voit souvent au supermarché, dans les caisses et tout. Et donc ma meuf est gênée, elle ose pas, elle dit non, non. Et là, il y a une file d'attente, je vous raconte pas, c'est complètement ouf, quoi. Genre les files d'attente devant les zéniths de Big Flo, c'est vous dire le monde. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah, ça devait être énorme alors. Ça devait être énorme. C'était immense. Et donc je dis, mais non, c'est ridicule, on a vraiment beaucoup de trucs et tout, viens, on passe devant. T'es enceinte, ça se voit, 8 mois, ok. Et là, il y a une vieille qui fait, évidemment, eh oh ! Et on double pas là, hein ? C'est Gérard Depardieu. C'était Gérard Depardieu. C'était Gérard Depardieu. Bonne anecdote, non ? C'est fou. Je suis quand même le parrain de ton fils. Et là, mon sang ne fait qu'un tour sans du tout prendre en compte que c'est une personne âgée. Oui. Mais cela dit, ça a peut-être quand même influencé le fait que tu... Ah, que je me permette de répondre, bien sûr, bien sûr, ouais. Ça aurait été un mec stopped, ton sang aurait fait zéro tour. J'aurais fait... Juste un homme. J'aurais fait, mais c'est vrai, là, pour qui on se prend? Oui, effectivement. Maintenant que j'y pense, c'est ça un va. Truc tout à fait naturel, il n'y a pas de raison. Comment ils font les animaux? Bah, voilà, y a... Donc, et j'ai dit, mais putain, elle est enceinte. Ce à quoi elle a dit, oh oui, oh... Dans ma tête, je me dis, c'est pas un argument, vraiment. Non, mais après, tu peux défendre un peu cette vieille dame? Je l'ai traité... Ouais, vas-y. D'accord, non. Vas-y, non, vas-y, dis. Peut-être qu'elle savait... elle avait pas vu qu'elle était enceinte, t'aurais pu lui dire, non, mais parce qu'elle est enceinte, elle aurait fait, ah, non. Oui, mais là, j'ai dit, elle est enceinte. Oui, dit, mais putain, elle est enceinte. Et donc l'autre, ah, ça a fait, ah... Elle... Ben, oui, peut-être. Bon, ouais. Oui. Peut-être. Peut-être. Tu n'aurais peut-être pas dû la frapper après. Le résultat, j'ai dit, le résultat, c'est que j'ai dit, oh, va te faire enculer, la vieille. Les gens applaudissent. Non, mais n'applaudissez pas ça. Voilà le t-shirt. Je veux le t-shirt. Voilà. Voilà le père que je suis. Non. Va te faire enculer. Non, mais en vrai, j'ai craqué. En fait, ça faisait l'Euro Merlin. Je sais pas si vous faites les courses de bricolage me rendent fou déjà de base. C'est long. Il y a 6 étages. Il y a les ouais, clous. C'est bon alors. Les clous, c'est bon. Les clous ne sont pas au même étage que les marteaux. Enfin, tu sais, tout rend fou. Et donc voilà, et bref, j'ai craqué, mais je n'en suis évidemment pas fier. Évidemment. Ce qui est triste, c'est que j'aurais dû dire. Même maintenant que les gens t'ont fait une ovation, pour, t'es toujours pas fier. Dès que je croiserai une vieille maintenant. Non, mais ouais, j'ai. Voilà. Elle n'a pas oublié ça qui est triste. Elle est chez elle seule, dans son petit truc. Ça tourne en boucle dans sa tête. Tu l'as traumatisée à vie, cette dame. Plus jamais elle oubliera ton visage. Elle est samedi après, mais elle est vieille. Fais tes courses le lundi matin. Je plaisante, je plaisante. Les gens adorent, là, vraiment, les gens haïssent les vieux, mais d'une force. Toulouse déteste les vieux. Voilà, j'apprends ça. Une découverte. Ouais, une haine des vieux à Toulouse, putain. Incroyable. Incroyable, c'est fou. Hein. Peut-être prendre une petite baraque ici, moi. Écoutez, on a l'air pas mal. Wow. Toi, Adrien, est-ce que. Alors, peut-être pas aussi vénère, mais est-ce que tu non, peux. Non, parce que c'est vrai que t'as un personnage un petit peu de personnage ronchon, mais en même temps, je t'ai jamais vu. Et pourtant, on a quand même beaucoup fait des trucs ensemble. Mal parler vraiment à des gens ou rentrer dans. Alors, le... déjà, merci de le dire. Mais je le dis, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est non, vrai. Moi, le seul. J'ai un truc qui m'énerve, c'est quand je suis piéton et que les voitures ne respectent pas les passages piétons et tout ça. C'est le truc qui. C'est les seules fois où je m'embrouille avec des gens. C'est. Les passages piétons, les automobilistes. Hein, oui, quand il n'y a pas de feu et que du coup, c'est à moi. Mais ça, faut le dire, parce qu'il y a plein de gens qui le savent pas. Oui, ouais. Bah, voilà. Donc. Les piétons sont prioritaires quand il n'y a pas de feu, et c'est vrai que la première fois, Adrien, je me suis dit, mais Adrien veut se jeter sous une voiture. Oui, parce que moi, je fonce. Portable. Et j'ai un petit plaisir à forcer les gens, parce que souvent les automobilistes aiment bien mettre un petit coup de pression, genre non, tu vas pas traverser. Et moi, je me jette. Du coup, ils sont obligés de piler et ils sont énervés. Et du coup, le fait qu'ils soient énervés, ça m'énerve parce que c'est à eux de s'arrêter. Je fais, bah quoi Mais. Vous pouvez. Alors, vous, moi, des, non, mais des gens même peuvent... quand c'est pas des vieilles, pour le coup. Ouais. Même quand c'est des hommes qui peuvent m'anéantir à la baston. Mais je. Ça, c'est parisien, ça. Non, mais... Oui, parce que les gens s'arrêtent dans les autres villes, surtout. C'est non, ça. À Toulouse, vous trouvez bien. Donc on déteste les vieilles, on roule sur les gens. Tranquille. Moi, la première fois que je suis arrivé à Paris, j'étais choqué. J'avais l'impression que chaque voiture, l'objectif, c'était de m'écraser. C'est quand même très différent. Non, non, là-haut. Oui, il y a un truc. Y a ils un sont truc, fous total mais, là-haut. Et une fois, je traversais, c'était l'été, ça a son importance. Pas forcément, si, ça a son importance. Non, mais je traverse et je suis. Chill, je sors de chez moi, je tu vais. Tu chillais un max ou bon, quel niveau de chill grave. Bon, Netflix and chill. Je sais pas, j'ai pas de vanne. J'ai aucune vanne. J'allais acheter du pain tranquille. C'était vraiment une course de 3 minutes normalement. Parce qu'à l'époque, une boulangerie, bon, bref. Je traverse. Tu voulais prendre une petite chocolatine. C'est pour ouais. vous. Ouais. Mais... ouais. Ah oui, d'accord. Je savais pas si on disait chocolatine ici. C'est un bien meilleur mot que pain au chocolat, je vous le dis. Voilà. Ah. Même en tant que parisien. C'est vrai. C'est vrai. Eh, je vous baise. Non, et donc je traverse. Il y a une voiture. Il a dit je vous baise. Là, ça part en couille. Là, ça part vraiment en couille. Là. Mais d'où vous c'est me le fait de faire en enculer fait. La vieille qui a vraiment. Tu sens l'électricité dans l'air. Tout le monde se lâche là. Tout le monde est. J'ai envie de casser la table là. Pardon. Non, et donc il y a un mec qui s'arrête pour me laisser passer et il a estimé apparemment que je mettais trop de temps à traverser et il m'a klaxonné. Oh. Et ça m'a rendu fou. Donc j'ai fait quoi, mais quoi, je t'arrête, dis quoi. Et le mec est parti en faisant comme ça. Et du coup, j'étais vraiment en face de la boulangerie. Non, c'est ridicule. T'as pas fait je ça. L'ai suivi parce que je savais qu'il était obligé de s'arrêter. Mais j'étais en claquette. Et je me suis dit, mais même si ça en vient aux mains, tu vas faire quoi? T'es en claquette. Je me suis fait, attends, je les enlève, je vais quand même être mieux. Allez. Et donc, au bout d'un moment, j'ai rebroussé chemin. J'ai fait, c'est ridicule et je suis allé acheter ma baguette. Mais pour dire que ça m'énerve, mais c'est vraiment le truc qui me rend fou, quoi. Mais parce que c'est les puissants contre les plus faibles, ça, c'est le symbole. Il en a fait. Mec, t'es dans le cul dans ta voiture, ferme ta gueule, tu t'arrêtes, c'est tout. Moi, je suis à pied, tu la fermes. C'est là où c'est Adrien le plus fort de nous deux, je vais vous expliquer pourquoi. Il a réussi à faire de ce truc un combat politique. Ouais. Comment moi je peux faire de va te faire enculer la non, vieille là, un combat politique. C'est chaud. Ouais, c'est mort. Si, c'est avec les retraites, tu peux faire un truc genre. Tu peux retourner le truc. Un salarié a été licencié pour une raison qu'il pensait abusive, mais la justice lui a donné tort et a validé son renvoi. Il s'agit toujours d'un Toulousain ? Oui. À votre avis, pourquoi a-t-il été licencié ? Tu sais ? Mais je crois. Alors, laisse peut-être moi un j'ai peu une idée, les abonnés à Actu Toulouse. Ouais. Elle a révisé. Ouais, c'est clair. Je sais pas, on doit avoir le même algorithme avec Flo. Ouais. J'ai pas entendu. Pardon. Est-ce que j'ai un moment de blackout? T'es fatigué. T'es à un mètre. Hein, non, j'ai un moment de blackout total. C'est amplifié en plus. Je vous l'avoue. Non, donc t'as pas compris. En gros, il a été licencié pour une raison qu'il trouvait abusive et la justice lui a donné raison, mec, c'est ça? Là, non, justement, il lui a donné tort. Il a donné justice à son renvoi. Voilà, à donner... Tu vois l'inverse de ce que je viens de dire. C'était ça. La ah, bah alors, vérité. C'est pas ce que je croyais. Ouais. Voilà, mais merci. Et alors, est-ce que. Attendez, mes questions sont si incompréhensibles. Non, c'est moi qui suis très mauvais. On est fatigué. Ok. Non, un salarié a été licencié. Il a chié. Non, alors moi. Dans le bureau, au milieu là. Il a pété. Mais c'était ça. Et ben faut être c'est plus rapide. C'est la seule émission. Mais oui, je l'ai vu ça. Mais putain, je voulais le dire. Il faisait que péter, il faisait que péter. Ça, c'est le deuxième truc qui m'énerve avec les mecs, ça arrête pas au passage. Il a pété et de manière très grasse. Oui. Et il a dit des choses. Va te faire enculer la vieille, par exemple. Ouais. Il l'a non, dit. Il achetait des caisses, ça puait et les gens lui ont dit bon, c'est plus possible. Il s'est fait virer. Il a dit c'est abusif. Alors voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous rappeler. Il y a eu plusieurs P. Alors il y a eu. C'est pas un P. Il y a eu bon au bout d'un moment casse-toi quoi. C'est limite. Il y a d'ailleurs le journal Le Point qui nous pose cette question. Péter au travail constitue-t-il une cause légitime de licenciement? C'est alors, ça que j'ai lu. Le bel algo, ouais, Justine. Ouais. Des proutes et des déguisements. Donc, ce monsieur dont on ne connaît pas le nom, je propose qu'on l'appelle Monsieur Gros Péteur, bien sûr. Prouteur, je préfère. Bon, okay. Le prouteur. Donc il est directeur commercial d'une enseigne de matériaux. Il a été convoqué un matin de septembre 2016 à un entretien préalable à un licenciement. Je rêve qu'ils aient filmé cet entretien. Je rêve de le voir. Vous faites que péter. Non, je fais pas que péter. Non, je fais d'autres trucs. Oh, je fais tristesse. D'autres trucs. La tristesse. Il lui est reproché d'avoir eu un comportement professionnel incompatible avec l'exercice de ses fonctions et d'avoir fait preuve à l'égard de sa hiérarchie, de certains de ses collègues en sa présence et en présence de clients, d'un manque total de bienséance, de tenue de société et surtout d'hygiène. C'est un gros bof, quoi. Plusieurs événements sont évoqués. Il lui est notamment reproché d'avoir utilisé les toilettes des femmes en les laissant dans un état lamentable. Ah non. Au point que la femme de ménage en est ressortie écœurée. Voilà, bon. Ça, c'est horrible. Oui, donc il a fait plus que péter. Ah oui, non, c'est. Là, selon l'employeur, l'examen de la bande vidéo des caméras de surveillance est formel. Il y a des caméras de surveillance dans les chiottes? Bah, autour des chiottes, apparemment. Non, ils les ont vus, c'était le seul qui était. À la base, ils avaient mis de la farine autour des chiottes. Oh, il est fort! Oh, il est fort, il est en forme, il est en forme, hein. Il est pas toujours comme ça. Non, il est fort, même de Bouddha Chour. L'intéressé était le seul à les avoir fréquentés le matin des faits. C'est juste autour, sur les couloirs, tu vois. Je pense qu'ils n'ont pas mis des caméras dans les chiottes. Sinon, ouais. C'est littéralement Didier Bourdon dans Les Trois Frères. Ils l'ont vu entrer et c'était le seul. C'est ça, c'est le seul qui allait. Okay. Bon, le seul mec. Quelques jours plus tôt, Gros Peter s'était permis d'émettre un gaz particulièrement malodorant et de lancer à ses collègues « Il fallait que vous sortiez du bureau. Du coup, arme massive obligatoire. » C'est incompréhensible, hein, mais bon. Non, voilà. Si ça, ça peut... Ça, attention, parce que je peux le faire. Voilà, je vais pas vous mentir. Tourbus, ça lâche une caisse. Et ben, de toute façon, on devait aller en répète, allez. Non, mais en mode amical, quoi, non. Je suis tout seul. Je crois que t'es cancel, hein, malheureusement, en Flo. Je suis cancel. Ouais, t'es cancel. Je suis prout cancel. Ah ouais, c'est dur. Attention. Et de... Il avait mangé trop de cassoulet ou quoi? Ouais. Toulouse. Toulouse. Nougaro. Claude Nougaro. Il fallait que vous sortiez, du coup, oui, voilà, ça j'ai dit, et de récidiver, quelques jours plus tard en commettant d'autres flatulences devant une responsable administrative ulcérée. Et là, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a vraiment un personnage secondaire qui, dans une série, sera interprété par une star. La femme de ménage revient, elle était présente et elle était choquée par l'odeur nauséabonde et par l'impolitesse de ce monsieur. Alors, le tribunal a quand même précisé pour que son arrêt ne puisse pas être interprété comme... C'est allé au tribunal, ça. Ouais. T'as qu'un avocat qui a défendu ça. Non, mais parce qu'en fait, le gars s'est fait virer en disant « Tu es viré pour comportement abusif. Attendez, c'est quand même pas pour 2-3 caisses que vous me virez. Je vais au prud'homme. » Et puis on fait « Non, tu es dégueulasse. » C'est fou qu'il ait pas trouvé ça... Tu vois, il a trouvé ça vraiment injuste, lui. Bah oui, lui s'est dit « C'est abusif, quoi. » Pour que son arrêt... Donc le tribunal a dit « Pour que notre arrêt ne puisse pas être interprété comme une interdiction absolue de péter au bureau, ils se sont dit... sachez que c'est quand c'est répété et fait exprès. Intentionnellement. Ils disent, voilà, l'employé n'a pas convaincu que ses flatulences étaient involontaires. Parce que lui, il a joué ça. Il a dit, non, mais j'ai pas fait exprès. Genre, t'as dit arme de destruction massive. Il y a une petite mise en scène qui... Non, je leur demandais de tirer mon doigt, bon, au hasard, comme ça. Moi, ça me fait rire. Attends. Ce qui fera... Au tribunal de l'humour, il est gagnant. Mais... Il est juge. ce qui fera peut-être dire à la doctrine juridique qu'émettre des gaz naturels ne constitue pas en soi une faute dès lors qu'ils ne sont ni intentionnels ni malveillants. Enfin, malveillant. Les journées qui se tapent les avocats là. Oh là là. Le matin avant d'y aller au boulot là. 7 ans d'études. Putain, 7 ans d'études. Et dans mon champ de vision, j'ai vraiment la photo d'Ivy qui est en train de péter dans le micro quand tu dis ça. Non, mais il faut savoir que tout de même, c'est pas la seule raison aussi pour laquelle il était là. Il a aussi planté quelqu'un avec une arme blanche. Non, il a tenu, il faisait aussi des blagues un peu graveleuses qui ont joué aussi en sa défaveur, il faut le dire, quand même. Ça, la raison. Non, les paix. Non, je te dis, il y a tout ce truc où ils ont dit non, mais vous pouvez péter. C'était un énorme bof, quoi. Mais donc, c'était un bon bof. Oh, voilà. Le harcèlement sexuel est passé au second plan des paix, donc, dans cette histoire. Non, mais c'est pour l'article. Et aussi, il harcèle sexuellement les femmes. Pour l'article, je pense, tu sais, ils aiment bien des fois. Bah oui, mais bien sûr, c'est ça que je dis. On veut du paix, voilà, on veut du paix qui n'est pas dans l'album, par contre. Non, on l'a pas gardé. On l'a pas gardé. On a hésité. Hein. Un truc un peu festif, quand même. Yo, Big Flo et Oli, on veut du paix. On veut du paix. Vous avez fait une fausse chanson comme ça pour le live de Squeezie, un truc beauf, non? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec ça, des paix, d'ailleurs. Ça a été un énorme carton sur Internet. Combien de viewers, à peu près? En live, c'était des 70 000, et après, en review, c'est des millions, des millions. Des millions? T'étais aux Idevent hier. Ah oui, mais c'est top. J'ai cartonné. Ça, c'est des private jokes entre nous. Allez. Non, je comprends ça au montage. Bien sûr. Mais personne n'a entendu en plus, donc t'inquiète. L'émission n'est pas terminée. Il y a un deuxième petit jeu, mais ce petit jeu a quand même une particularité, c'est que l'un d'entre vous va pouvoir jouer avec nous, tout simplement pour gagner quelque chose d'assez collector, un vrai cadeau, franchement Adrien, on peut le dire, un vrai cadeau. Un vrai cadeau, un t-shirt... collector. Qui n'est pas un t-shirt du merch. Que vous pouvez acheter, mais vraiment sans hésiter. N'hésitez pas. Mais et donc, du coup, je vais descendre parmi vous. Alors, je vais quand même expliquer vite fait le concept du jeu, au cas où. C'est dans cet ordre-là. Parce que vous pourriez pas être sûr de participer, du coup. Oui. Quel est le concept de ce jeu? Je vais vous donner des titres d'anecdotes. Il va falloir deviner quel invité est concerné par cette anecdote. Ça peut être Adrien, ça peut être Justine, ça peut être Flo, ça peut être moi. Elles peuvent aussi être complètement inventées. Mais évidemment, si ça concerne, par exemple, si c'est une anecdote qui te concerne, Justine, tu dois tout faire pour, à la manière du loup-garou, de dire, mais non, ça c'est pas moi, je peux pas faire ça, c'est plutôt Big Flo, c'est plutôt Adrien. Ce sera évidemment à la personne que va prendre dans le public de décider qui concerne l'anecdote. Nous, on peut argumenter, dire, ah, c'est sans doute ça, mais la réponse revient à la personne du public qui va venir nous rejoindre. S'il fait assez de points, ou elle fait assez de points, elle gagnera un très joli t-shirt. Alors Adrien, je te laisse le premier intitulé, et tout simple, ça s'appelle « J'ai chié dans un seau ». J'ai chié dans un seau. Alors, à ton avis, Héloïse, qui ça peut concerner? Est-ce que c'est Justine? Est-ce que c'est Florian? Est-ce que c'est Adrien? Est-ce que c'est moi? Est-ce parfaitement inventé? Bien sûr que non. Évidemment, quelqu'un a chié autour de cette table dans un seau. Mais la raison, ce serait « Pourquoi ?» La personne pourra nous raconter. Après, Justine, pardon, mais tu préchotes. Ça n'a pas déjà été dit dans un podcast, là. Ah bon? Alors, ce serait qui, du coup? Enfin, je sais pas. Hein. Bah si, mais t'as peut-être raison. Dis-nous. Bah, vu la tête d'Adrien, c'est Adrien. Quoi? Bah, décris ma tête. Bah, t'es en train de faire caca, on dirait que... Alors, le but du jeu, c'est pas qui est en train de chier dans un seau maintenant. Hein. Ça, c'est le troisième jeu. C'est après. Merci d'avoir spoilé. Super jeu, en vrai. Moi, j'ai dit, c'est Adrien parce qu'il a une tête... Alors, on a fait ce jeu hier. La règle, c'est que la personne qui est tout de suite dans l'offensive, c'est généralement la personne... C'est vrai. En fait, c'est le loup-garou, ton jeu. Bah ouais, totalement. C'est le loup-garou du caca. C'est tout ça, oui, oui, bien sûr. La personne qui dit, ah bah c'est sûr que c'est toi, c'est elle, à chaque fois. Mais après, Héloïse, évidemment, c'est toi qui es seul juge. À ton avis, qui ça concerne? Bah, je reste sur ma première impression, je dirais Adrien. Mais... Bah voilà. Adrien Méniel, le gros chieur. C'est totalement moi. Oui. Ouais. Je l'avais effectivement raconté, je pense, dans un podcast, mais après, j'ai déjà très peu de choses intéressantes qui se passent dans ma vie à raconter, et surtout, quoi. Et bah, 7 ans de podcast, comme on l'a dit, donc... Non, mais effectivement, c'était à l'époque où j'étais encore en couple, et on avait un... Non, pardon. Non, non, je comprends, mais là, c'était pas une blague. Donc j'étais encore heureux à l'époque et voilà, ben je te fais des passes dés, mon pote. Non, et donc du coup notre Sani broyeur était en panne, et donc quand le Sani broyeur est en panne, bah il y a plus de chasse d'eau, il y a plus rien quoi. Et donc ma copine de l'époque, qui elle était plus civilisée que moi, a dit bah je vais aller faire mes petites affaires dans un bar, ce qui est beaucoup plus malin que ce que j'ai fait du coup, qui était moi dans ma tête, je vais attendre qu'elle dorme. Wow, là, là, le malade mental. Wow, pardon. Non, non, tu vas voir, le c'est psychopathe. C'est du génie. Non. Je vais attendre qu'elle dorme, mettre un petit sac poubelle dans un seau, chier dans le seau, refermer et aller jeter ça dans la poubelle du bâtiment immédiatement. Et voilà, ni vu ni connu. Sauf que. Il faut faire caca sur commande, quoi. Enfin, c'est... Alors, quand tu n'as pas chié de la journée, c'est assez simple. Hein. C'est vraiment, c'est tac au tac. Hein. Une urgence. Et du coup. J'ai bien fermé le truc et tout, et je suis passé devant la porte de la chambre dans laquelle elle dormait, et elle a ouvert la porte, non, elle a fait « Mais tu fais quoi ?» Je fais « Bah, donc j'avais ma merde à la main. » On est resté très longtemps ensemble après, hein, donc c'était un couple quand même assez solide. Et je dis « Bah, je vais jeter ça. » Elle fait « Mais ça pue la merde. » Pour c'est, moi, dans c'est dans le générique du Floodcast d'ailleurs, ça pue la merde. Non mais pour moi j'étais Arsène Lupin quoi, j'étais genre le... Je vais me glisser dans le lit, elle n'en saura rien, pas du tout. Et ce qui a été un peu blessant, c'est qu'elle m'a dit « Je pensais que t'avais chié dans un sac plastique et que tu l'avais posé devant la porte. » Pour le jeter demain quoi. Pour le non, facteur. Quand même, j'avais prévu de le jeter sur le moment même, mais ça l'a réveillé immédiatement, voilà donc... Voilà, donc c'est bien moi qui suis un c'est marrant, bravo. Bravo, moi j'avais un peu l'applaudir. Tableau, on peut l'applaudir. J'ai été coupé au montage d'un gros blockbuster français. Qui ça concerne à ton avis, Héloïse? Ce qui est fou, c'est que ça peut concerner vraiment tout le monde autour de la table. Oh non. Moi aussi. Déjà, je joue dans un gros blockbuster français, donc c'est clairement pas moi. Je gâche le jeu, c'est moi. À moins que je mente. Ah, il est fort. Oh, oh là, il est fort. Oh là là, mais dis donc. Bon, c'est... Ah. Sachant que ça peut aussi être moi. C'est vrai que ça peut c'est être vrai, toi. C'est vrai, ça pourrait être moi. Ça peut être toi. Jacques on est d'accord que rien n'est inventé. Jacques... Hein? Aucun n'est inventé. Bah, moi, je dirais que c'est Big Flo. Parce qu'il est étrangement silencieux. Tu viens de le dire que c'est moi. Oui, oui, mais c'est du bluff. Là, t'es fou, t'es dans un casino, t'en peux plus. Tu ah ouais. fait, tu... Je pense qu'à jouer, là. Moi, je pense que c'est Big Flo. C'est moi, ils m'ont coupé dans le prochain Astérix, finalement. Canet m'a appelé, j'y serai pas. Ah, c'est possible. Alors, Héloïse. Non, en vrai, je pense que c'est Justine. Mais je suis pas sûre. Non. C'est une moi. Très bonne réponse. C'est bien. Je n'ai rien dit. Ouais. C'est triste. C'est triste, c'est pour ça que je n'ai rien dit. C'est tout à fait moi. J'avais 2 semaines de tournage. Ah, quand même. Ah, 2 semaines, c'est beaucoup. Hein. Ah, c'est dur. Sur Nicky Larson. C'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Mais oui. Eh oui. Et je pense que on me voit 15 secondes dire sa mère la pute. Et après, c'est tout. C'est sa seule réplique. La vieille. C'est sa seule réplique du film. C'était payé quand même. Ah oui, par contre, j'ai pris. Ah, mais ça va. Mais voilà. Quand tu étais, même quand tu commençais ton métier de comédienne, tu as été coupée d'un Jacques Audiard également, je crois. Oui, tu fais bien de me le rappeler. Rappeler ou remuer le couteau dans la peau. Tu avais oublié et mon agent a dit on le laisse sur le CV au cas où les gens ne verraient pas le film. Très bonne méthode. Nicky Larson, vous l'avez laissé aussi. Oui, mais elle apparaît dans Nicky Larson. Oui, c'est juste ça, dans Nicky Larson. Je pourrais quand même dire que. J'ai une micro-phrase, oui. Voilà. Mais j'ai fait 15 jours de tournage à Nice, c'était super. Ah, bah pas mal. Imagine les mecs qui ont été cutés des films genre Harry Potter. Comment tu t'en relèves? Parce que tu dis à toute ta famille, tes amis, ça y est, je suis dans Harry Potter, c'est ciao. Le podcast Dead Eyes que Adrien a recommandé. Comment? Le podcast Dead Eyes. Mais oui, exact. Il y a. Non, mais elle mérite 2-3 t-shirts en plus. Non, il a donne pas lui un suite. Bon, bah, prends la guitare, évincé, de toute façon. Le pire, je sais pas si tu sais, énorme flow que tu es, qu'à la base. T'es le plus grand flow que je connaisse. Sache-le. Ah ouais, parce que moi, je suis un moyen flow, mais. Non, mais toi, t'es un flow de taille totalement raisonnable. Oui, voilà. Mais lui, il est. C'est immense, le flow qu'il est, je parle. Le film Retour vers le futur, il y a une bonne partie du film qui a été tournée avec un autre acteur. À la base, c'est un acteur qui s'appelle Eric Stoltz, qui jouait le rôle de Marty McFly. Il a tourné les scènes et les gens, la prod a dit ça marche pas. Et ils ont dû lui dire bon, écoute, en fait, t'es viré et c'était remplacé par Michael J. Fox. Et je me permets. Ils ont retourné la scène. Il a été remplacé. Oui, c'est pire, quoi. Il a dit ouais, je suis en film, c'est bon, non, dégage. Et on peut rajouter une petite couche d'humiliation sur Eric Stoltz parce que c'est même pire que ça. C'est-à-dire que le film, s'il changeait d'acteur à ce moment-là, il n'avait pas coûté trop cher, ils auraient pu l'annuler, en fait, le tournage. Et Spielberg a dit là, ils vont l'annuler, donc continuez de tourner avec lui. Comme ça aura coûté trop cher. Le distributeur ne pourra pas l'annuler. Donc en fait, il tournait avec Eric Stoltz, en sachant qu'ils que des contre-champs avec un bout d'épaule, que des plans un peu machin. Et, oui. Mais il s'en est très bien sorti, parce qu'Eric Stoltz a joué dans plein de films, dont Pulp Fiction. Il joue le dealer dans Pulp Fiction. Ouais. Exactement. Bon, très belle revanche. C'est pas Marty McFly. Ouais, c'est pas la trilogie Retour vers le futur avec le rôle principal. C'est pas pareil. Écoute. J'ai peut-être tourné Pulp Fiction 2 sans être coupé au montage. Voilà, j'en ai pas. Ouais. Qui sait. Exactement. Dans le même ordre d'idées, 2 sur 2 quand même, joli. Pour le moment, c'est un sans faute. La personne d'hier a fait 0. Elle a quand même eu le t-shirt, donc autant te dire. J'ai chié en bas d'une éolienne. Non mais, il y a un thème. Je rappelle que Big Flo n'a rien eu depuis le début de ce jeu. Qu'est-ce que ça toi change non plus, Florent. Avec ton petit mug là, tu te caches derrière ton mug. Mon bug. Techniquement, ça change rien de chier en bas d'une éolienne. Enfin, ça t'emmerde. Tu vois, ça mène pas la merde en haut ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Ça permet de sortir une belle anecdote à Toulouse un soir. Il y a un côté poétique en tout cas. Mais après, techniquement, ce que ça fait. Alors, à ton avis, Louise, qui a pu bien chier sous une éolienne? Je dirais toi. Tu penses que c'est moi? Ben, Louise, je vais te décevoir. Moi, je n'ai jamais chié dans la nature. En revanche, Adrien, écoute, tu l'es du fait. Je savais pas que t'allais la mettre. Parce que si j'avais su que t'allais mettre celle-là, je t'aurais pas donné l'anecdote de chi dans un seau. Je me suis dit, bon, peut-être assez d'anecdotes. Le chi. Effectivement, mais c'était d'ailleurs il y a un mois. Assez récent, je n'apprends pas de mes erreurs. Non, mais... Bon, il faut savoir que j'adore les éoliennes. Je trouve ça très beau, les éoliennes. Et alors que je roulais dans la montagne ardéchoise, je tombe nez à nez avec une éolienne. Ah, je vais bien chier dessus, là. non, pas dessus, il y a un respect quand même. Il y a un respect, à côté. Non, mais en fait, je cherchais un endroit pour m'arrêter, pour dormir pour la nuit, parce que j'étais avec mon camtar aménagé. Ah. Et donc, je vois une éolienne, c'est trop beau, génial, là, je prends plein de photos, je fais des selfies et tout. Et le fait est que j'avais quand même roulé une bonne partie de la journée avec une envie de chier, et du coup, j'ai fait, Allez. Et du coup, il n'y avait personne et j'ai chié au pied de l'éolienne, voilà. Mais de façon discrète, hein, voilà. C'est magnifique. Bah, c'est une peinture de Courbet, hein. C'est magnifique. Ou une chanson de Benabar. J'ai chié sur le pied de l'éolienne. Qui sont souvent plus ou moins la même chose, hein, d'ailleurs. Ouais, les gens confondent souvent. J'ai Jean Dujardin qui fait mon répondeur. À ton Attends, avis, Jean Dujardin quoi ? Fait mon répondeur. Quand tu m'appelles, c'est Jean Dujardin qui dit vous êtes sur le répondeur de Big Flo. Sachant que Big Flo a fait une chanson pour c'est Brise de Nice 3. Oui. Que Justine et moi on a travaillé sur la promotion de Brise de Nice 3 et que moi j'ai réalisé une longue vidéo d'une heure 20 je crois à peu près. Et Adrien a vu Brise de Nice. Non, même pas. Donc ça peut être l'un de nous. À ton Mais avis. Mais quand même plutôt pas moi. Parce que j'ai une personne à chier devant Jean Dujardin, donc a priori. Peut-être. Tu sais oui, pas. Peut-être. Et Jean l'ont peut-être fait. Alors à ton avis, Héloïse, qui ça concerne ? Est-ce que c'est toi cette fois-ci ? Est-ce que c'est ton dernier mot ? Ouais. Je suis Foucault en fait. Je suis très bronzé. Ouais. D'accord ? Ce n'est pas moi, Héloïse. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement un flot, mais peut-être le plus gros, en tout cas de France. Bah, il est gargantuesque que flot pour moi. Il s'agit de Big Flo. Bien sûr. Et c'est une anecdote que j'ai appris il y a pas plus tard qu'il y a 3 heures quand j'ai essayé de l'appeler. Oui, oui. Attends, c'est toujours ton répondeur, c'est toujours Jean Dujardin. Je vais pas le changer. C'est l'adulge. Mais, ce qui veut dire que j'ai eu la lourdeur. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. J'ai eu la lourdeur. J'étais un. Jean Dujardin, c'est un ami. On mangeait au resto. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai pensé à la boîte vocale à ce moment-là. Je me dis, si j'ai la boîte vocale de Jean Dujardin, mon pote, mais c'est la méga classe, quoi. Et je lui dis, Jean, tu veux pas me faire la boîte vocale, allez. Et lui, il a fait, non, mais tu rigoles ou quoi. Et après, j'ai insisté. Et il me l'a fait. Et sachez que ça m'a aidé dans la vie auprès des banquiers, des trucs comme ça. Et tout. Ah ouais. Mais il a fait genre la voix de Brise de Nice ou quand il même pas. De flou, je t'ai cassé. Mais je suis Jean Dujardin, je fais une blague. Non, il a fait premier degré, c'est ça que j'adore. Il dit salut, c'est Jean Dujardin. Flo n'est pas disponible pour le moment. Vous écoutez, bon entendeur. C'est quand même classe, non? C'est très classe. Mais on peut appeler Dujardin même. Bien sûr que non. Bien sûr que vous êtes fou. Vous êtes Et fou. On lui dit de faire Brise de Nice. Je t'ai cassé, s'il te plaît. Bonjour, c'est Jean Dujardin, vous êtes bien sur le répondeur de Flo, il n'a pas le temps de vous parler, c'est un message. Une fois vous traitez. Effectivement, déceptif parce qu'on n'entend rien. Bon, parce que là, moi j'ai entendu la première fois, il n'a pas besoin de vous parler. Non, il n'a pas le temps de vous parler, il dit. Ouais. Je me suis fait opérer des parties génitales. Qui ça concerne? Ah, autour de la table. Il y a eu un. Non, mais c'est toujours du caca, de la bite, bon voilà, on en est habitué. Quelqu'un. L'anecdote dit si elles ont été tranchées pendant le sommeil ou c'est opéré. Pendant une petite sieste. Tout en dormant, bien sûr. Oui. Alors, à ton avis, Héloïse, qui ça concerne? Alors. Héloïse est une vraie joueuse. Je sens son regard vraiment scrute. Je ne sais pas si vous avez ça de votre côté. Il y a vraiment un truc. On peut l'aider un peu? Ah oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas, mais tu as mentionné tout à l'heure une rupture de frein. C'est vrai. C'est du Flaubert craché. Mais il y a des ruptures de frein partielles qui se guérissent d'elles-mêmes et qui brûlent quand elles font pipi. C'est des galères qui t'arrivent. T'as eu que des galères comme ça jeune, toi, c'est sûr. Mais oui, jeune ou il y a un mois. Mais on peut... Bien sûr. Que... T'es à la maison, Adrien, tu rigoles ou quoi? Non, mais je sais plus si tu l'avais dit en public ou en privé, donc je vais pas... Il n'y a rien. Bah, ou alors c'est une technique d'Adrien pour aussi te perdre, ce qui est très possible. Je serais un excellent acteur si c'était ça. Tu l'es, Adrien. Groom, disponible partout. Je suis le seul partout. Capable à bosser avec Jean Dujardin, mais ouais. Bah du coup, Big Flo. Eh oui. Non mais tu l'as pas dit, tu l'as dit dans une interview. Mais il m'a autorisé à faire le jeu dans surtout. Un podcast. Hein? Je l'ai pas dit dans un podcast. Non mais moi j'ai regardé beaucoup d'interviews de toi. Oh. Parce que je te trouve marrant. Merci beaucoup. Et il me semble que tu l'as dit en interview. Non, je crois que je voulais raconter à la maison un soir, je pense. Parce je suis que jamais venu chez toi de ma vie. Non mais chez Flaubert ou un truc comme ça quand je me vois, je crois pas que je l'ai raconté ça quelque part. Ah. ça a écouté. Je suis un même. Ce dernier album, Biflo. Oui, bon, mais du coup, en fait, je l'avais déjà dit. Non, mais trop honnête, c'est le truc avec McFly et Carlito, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Et tu l'as, donc tu l'as dit là? Oui, je l'ai dit, mais à mon avis, je l'ai dit en une phrase en chanson, c'est ça? Ouais. Là, je peux vous donner des détails croustillants. Ah, bah, bien sûr. On est là pour ça, non? Les Toulousains sont férus de technicité, donc vas-y, vraiment. Non, j'avais des trucs sur la beat. Et non, moi, non, on a dit précis, des trucs. T'as dit que c'était technique. Je vais vous donner des détails, des trucs. Quoi. Des, on de, parle de quoi? Des genres de reliefs. Ok. D'accord. Et moi, je suis... Petit corolle, un truc. Le massif central, quoi. Pour moi, c'est un relief. Ma bite est une pure montagne. Et donc, moi, je suis hypochondriaque de malade. Mais vraiment, c'est un gros problème dans ma vie. Et donc, j'ai fait une fixette mentale sur ça, alors qu'il n'y avait rien du tout. Ce qui est compréhensible, en vrai. Ouais, non, mais c'était, il n'y avait rien d'alarmiste. C'était bénin, quoi. Mais y avait, ça faisait même pas mal, c'était pas... Ouais, mais bon. Et je dis, c'est juste, c'est quoi ça, quoi. J'aurais pu juste aller sur Internet ou quoi, tu vois. Non, bah non. Et j'ai pas osé cliquer sur Google Images. Et donc, je suis allé voir une urologue qui m'a tâté la zigounette et... Comme ça, là. Non, avec le petit doigt, comme ça. Voir, ouais. Et... Comme un petit chiot, quoi. Enfin, au final, un petit... Qu'on gratte sous le museau, là. Bon, alors, comment il va, lui? Le bon pépère. Alors... C'est qui, le gentil? Il est oh, gentil alors, oh, c'est qui, le... Il sait, alors... il sait qu'on parle de lui. Et bah, rien. Et hop, et non, c'est derrière ma main. C'est derrière, mon dos. Et elle me dit... Elle regarde attentivement ma bite et elle dit « Non, mais ça, c'est rien. » Et moi, je sais... Et là, c'est là où je suis encore plus con. C'est je dis « Ah non, mais vous êtes sûr et tout ?» Au point que je la fais douter même elle. Ouais. Elle fait « Ah ouais, bon, ben non, mais si vous voulez, on peut faire une biopsie. » Et biopsie, c'est quand on coupe un bout, on prélève un truc pour... Pour voir s'il y a des cellules cancéreuses. Le regarder, tout ça. Et là, je dis « Oui, mais je sais pas, c'est fou de faire ça. » J'avais... Frérot, j'avais 16 ans, tout allait bien, tu vois. J'étais oui, somnambule oui, à l'époque oui. aussi, c'est pour ça. Sauf que, bon, moi, je ne réalisais pas, sauf que j'ai eu rendez-vous après, 3 jours après, j'y vais, et là, je réalise qu'on va me couper un petit bout de la bite, quoi. Donc, je suis vraiment pas bien, quoi, tu vois. J'attends, et en fait, je comprends que ce n'est pas anesthésie générale, pas besoin, c'est anesthésie locale. Bien sûr. Donc, je me mets sur le truc comme ça. J'étais pas énorme flow à l'époque, j'étais simple flow. Un flow, ouais. De... Ce qui est déjà mieux pour l'histoire. Un flow classique, quoi. Un flow classique. Format familial. Un flow qui passe, comme ça, tranquille. Et j'arrive, du coup, et donc ils me font une piqûre dans le gland. Ouais, big up à tous les mecs. Peut-être le titre, hélas. Peut-être le titre de l'épisode, piqûre dans le gland. Pour m'endormir, du coup. Et moi, là, j'étais pas bien du tout, quoi, tu vois. Sans deck. Fragile. Et du coup, donc, je suis là, couché, et il y a les infirmières qui sont autour, et trop sympa, en mode Toulouse, apparemment, tu sais, tout le monde est sympa ici. Des flics. Et elle commence à me parler, elle me parle. En mode, et vous faites quoi dans la vie, alors? Et moi, je suis comme ça, pétrifié, et pendant qu'elle me parle, je vois, malheureusement, ça s'était mal fait, dans le reflet de la lumière, je vois précisément ma bite et le scalpel du gars. Là, je le vois, tu vois. Et elle dit, me parle, moi je fais de la musique, et je vois le gars qui commence, et il me coupait pendant que je parlais. Non mais alors, attends, le geste là. Non, j'exagère. Jambon, des jambons coquillettes. J'ai fait un couteau à beurre, désolé. Il m'a coupé, alors pour le coup ça marche très bien l'anesthésie, parce que c'était absolument indolore, vraiment j'ai rien senti. Et il m'a fait un point de suture à la bite. Et donc, j'ai dû me doucher avec du... Comment ça s'appelle? La bétadine et tout. J'ai eu un point, c'était horrible. Pas de branlette pendant je sais pas combien de temps. À cet âge-là, c'est dur, etc. Et tout ça pour avoir les résultats. Évidemment, rien. Et donc, on peut... L'urologue, elle m'a dit... Non, mais donc, comme j'avais dit, rien. Non, c'est juste des bouts de la peau normal, quoi. Fin. Voilà. De toute façon, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup. Mais oui, Florian, tu as sorti un album. Ah, voilà, quand même. Un album et pas des moindres. Là, je parle de mon opération de la bite et tout, voilà. Oui, tu t'es douté quand même, on fait un peu de promo. Un petit peu de promo. Voilà, nouvel album qui est sorti, qui est dispo partout. Oui. Vous allez l'éditer d'ailleurs en vinyle ou pas? J'ai vu que l'édité n'était pas dispo en vinyle, ouais. Oui, parce qu'il y a des, écoute, il y a des gros délais de fabrication sur les usines de fou là. Maintenant, ça met 7 à 8 mois pour faire les vinyles. Donc là, ça arrive là. Ça arrive, très bien. Ça arrive lourd, lourd. Ça arrive, c'est du lourd de fou. D'accord. Vous avez fait déjà une petite tournée festival. T'as fait un festival ici à Toulouse quand même, ce qui est quand même complètement fou. Oui, c'est vrai, le Rose Festival qui a bien marché. Merci beaucoup. Pierre. Non mais ouais, Adrien, t'as une question, je crois. C'était un énorme carton ou pas? Mais évidemment. Non, c'était vraiment super. Je suis trop content parce que je stressais de fou. Tu vois, on m'avait conseillé il y a un documentaire Netflix qui s'appelle Woodstock 99. Ah, quel enfer. Et tout le monde me disait, ah mais tu devrais regarder ça, toi qui organises un festival. Ben je me suis interdit de le regarder parce que déjà j'arrivais pas à dormir à l'idée de faire le festival. T'as bien fait. Et là tout s'est bien passé, donc voilà, nickel. Voilà pour moi. Bon bah bravo. Bravo. Justine, toi tu es en tournée sur les routes, tu reviens à Paris? Moi je suis pas du tout en tournée, Non, suis si tu Paris. Reviens, tu as fait une grande tournée. J'ai fait une tournée, demain. Avec, tout simplement, wow. Avec la pièce de Josiane Velasco, oui, un chalet hashtag. La pièce reprend à partir du 16 avec septembre. Avec entre autres Armel. Oui. Voilà, et je n'ai pas tout le casting en tête. Oui, mais voilà. Bon, il tombera son. Ok, très bien. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Et puis salut. Ciao. Merci. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.